Donc, quand les musulmans pensent que les chrétiens blasphèment, parce que l'une des choses, c'est l'association. Le péché le plus grave en islam, c'est associer Dieu à quelque chose, n'est-ce pas? Non. Donc, quand les musulmans pensent que les chrétiens blasphèment en disant que Jésus-Christ est Dieu, en fait, c'est même dit, ils ont dit qu'ils sont trois, que cessez de dire trois, comme dans le Coran, sur la sourate d'Imran, qui dit, cessez de dire, oh, vous, les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, Religion, et ne dites tout pas trois, cessez de dire trois, n'est-ce pas? à fait. Pourquoi? Voilà l'une des choses. Quand j'étais en train de regarder ces sourates-là, je remarque très bien que les trois dont vous parlez n'est pas en ce sens que la Bible enseigne. Oh, c'est l'Église catholique, c'est encore l'Église catholique qui a dérouté les gens comme ça. Parce que non seulement les trois-là, quand tu lis la sourate, les sourates en finissant Les ces trois, c'est sourates-là, quoi? il dit d'abord d'après les sourates. Les trois dont les sourates parlent là, il y a Marie, n'est-ce pas? Il y a Jésus, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc parmi les trois-là, il y a Marie, Jésus. Oh, c'est exactement ce que l'Église catholique fait. Il y a Marie, vous allez voir la statue de Marie ici, la statue de Jésus ici. Alors que même la représentation, une image, même là-bas, c'est une abomination devant Dieu. Dieu a dit à Moïse que tu ne feras aucune représentation, parce que tu n'as pas vu Dieu. Comme tu n'as pas vu Dieu, aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sur la terre. La partie de Sourate là, tu as lu toi-même ou bien tu as été Ah, lu par j'ai lu, quelqu'un? je peux t'ouvrir ça ici. Bon, ok, la partie là, le toit là, Oui. le toit là n'a pas dit que le toit c'est Marie et Non, c'est Moussa. pas parce que Les par la suite, toits, parce que par la suite, n'est-ce pas? le Parce que toit par la là suite. c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, mais parce C'est que ce qu'on il dit parce parle. que là, sur Maria, on accuse encore les juifs là-bas, les chrétiens, qu'ils ont encore associé à Marie, à Jésus, une autre divinité. Marie, qu'ils ont pris Marie pour sa mère, la mère de Jésus pour une autre divinité. Donc, je vais te donner la sourate là-bas, la sourate Maria, le chapitre 19 de cette sourate là. Donc, ce qui veut dire, c'est ici. Il faut vraiment qu'on soit. Et tu me promets d'abord, donc, que si tu veux, je t'achète une Bible. Tu lis J'en le. ai une Bible à Tu la as une Bible à la maison. maison. Ok, donc, s'il te plaît, prends l'engagement maintenant. Laisse l'ancien, c'est parce que l'ancien est beaucoup, et puis c'est tellement tôt. Moi, je prends toujours la Voilà. partie ici. Ne lis pas un verset ici. Prends doucement, n'est-ce pas? Tu prends ton. Regarde-moi. Tu prends un peu ton cahier. Comme par exemple, moi. Quand je travaille, c'est comme ça que je fais. Tu prends ton cahier. Ou bien un cahier, ou bien une feuille. C'est comme ça que je travaille. Tout est ici. Je travaille au fur et à mesure. Les sourates ou autres. Les sourates où je travaille. Il lit sourate après sourate. Et puis il prend. Maintenant, là où je suis là, maintenant, je peux te poser des questions. On lit au nom de ce qu'on voit. Tu as vu? Maintenant, je discute maintenant avec les preuves à l'appui. Donc, prends un cahier ou une poche feuille, tu lis de Matthieu, tu passes doucement, doucement. Tu lis deux chapitres le matin, deux chapitres le soir, tu fais quatre chapitres par jour. En 7 jours, tu as fini Matthieu, parce que c'est deux chapitres. Ce n'est pas beaucoup. Donc, si tu lis comme ça, donc, si tu vois une anomalie, quelque chose qui dit par exemple que je ne connais pas Dieu, note. Tu vois là où ce que je t'ai parlé, note doucement le verset. Après, tu vas commencer. Maintenant, tu peux commencer à argumenter. Maintenant, tu arrives à une conclusion où soit la Bible a été vraiment trafiquée. Ça, c'est une autre question qu'on va. Donc, entrons en clair dans la Bible. La question maintenant que on peut se poser, c'est est-ce que la Bible enseigne, quand on parle de la Bible, je parle du Nouveau et de l'Ancien Testament, est-ce que l'une des deux enseigne plus de deux dieux? La réponse est clairement non. Non. Parce qu'on a demandé au Seigneur Jésus-Christ quel est le plus grand commandement. Il a dit que, ô Israël, l'Éternel Dieu est le seul et unique, il n'y a point d'autre que lui. Mais maintenant, il veut aller dans quelque chose. Voici en quoi, parce que la religion chrétienne, c'est la religion monothéiste. La religion juive, c'est la religion monothéiste. La religion musulmane, c'est la religion monothéiste. C'est-à-dire que tous professent le même, un seul et unique Dieu. Dieu. Le problème maintenant, c'est la façon dont chacun approche ces dieux-là. C'est ça le problème. Parce que la compréhension du musulman dans son essence, chez les musulmans, n'est pas identique à chez les chrétiens. Dans ce cas, comment est-ce que, j'y pose moi la question. Comment est-ce que le chrétien peut dire qu'il adore un seul Dieu et on met Jésus dans là-bas? Il y a un problème, n'est-ce pas? Il dit ceci. Chrétiens disent qu'il y a un seul Dieu. Musulmans disent qu'il y a un seul Dieu. Juifs disent qu'il y a un seul Dieu. C'est les trois grandes religions. Les autres, là, je ne vais même pas m'aventurer là-dedans. J'ai dit, c'est la façon d'approcher le Dieu là, le Dieu unique dont on a parlé, donc qui diffère parmi les trois. Les chrétiens disent que Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là. Les musulmans disent que Jésus ne peut pas entrer, que Jésus ne peut pas entrer, le Dieu ne peut pas prendre une forme de créature. D'accord? Ok, donc ça veut dire que si je laisse les juifs parce que nous sommes entre musulmans et chrétiens. Donc voici donc le se situe le problème entre les musulmans et les chrétiens. Le problème des musulmans, c'est ceci. Dieu est impersonnel chez les musulmans. Tu as vu cela? Ça veut dire que Dieu est hors de la création et il va appartenir à la création parce qu'il est tellement grave. Chez les chrétiens, maintenant, c'est ceci. Voici l'enseignement chrétien. C'est que Dieu, là, est tellement proche à la création qu'il peut faire d'un être humain son ami. Tu as maintenant vu la différence? Ok. Maintenant, et tout ceci donc est lié à ce qui s'est passé à la création du monde. La façon dont on raconte dans le Coran, par rapport à dans la sourate 89, par rapport à la chute de l'homme et le fait qu'on a chassé Iblis du jardin, quand on a dit qu'on s'est prosterné, il dit dans le Coran maintenant, par rapport à cela, c'est ce qui est écrit dans le Talmud, mais pas dans la Torah, dans le Talmud, qui est la tradition juive gnostique. Exactement comme les chrétiens ont d'autres volets, là, pas les chrétiens, les d'autres Corans sont sortis avec d'autres évangiles qui ne sont pas de la Bible. Ok, donc la façon dont on raconte qu'on là-bas est le véritable problème, c'est-à-dire que ça part depuis le haut, au niveau du péché original. Donc tout cela est lié. Maintenant, si on comprend ce que c'est que le péché original d'après la Bible, on comprend pourquoi, parce que la dernière fois, il a été posé la question, pourquoi est-ce que Dieu veut vous tenter à pour voir la foi d'Abraham, demande plutôt un sacrifice. Tu vois un peu cela, parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Dieu veut montrer par prophétie que pour que la rédemption ait lieu, il faut qu'il y ait un sacrifice, parce qu'il faut qu'un sang soit versé. Parce qu'au départ, il y a eu meurtre. Au départ, il y a eu meurtre. Donc, c'est pas il faut que quelqu'un verse le sang pour racheter l'humanité. J'ai une petite question. Oui. D'après la Bible, Dieu est amour. Absolument. Il est bon. Oui. Il aime tout le monde. Absolument. Il est miséricordieux, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que un crime oui. que quelqu'un commet oui. depuis des siècles et des siècles, oui. Dieu ne parvient pas à le pardonner oui. Hein? Oui. Il va falloir attendre des siècles, des milliers d'années, pour que quelqu'un vienne d'abord pour racheter à son péché. Uh-huh. Et pourtant, ces deux personnes qui ont péché uh-huh. ont demandé au pardon à Dieu. Uh-huh. Et Dieu dit que toute personne qui me demande pardon, uh-huh. je les pardonne. Ça, c'est d'après le Coran. D'après okay. le Coran. Ok, mais tu as pris un parallèle. Mm-hmm. Maintenant, je réponds directement. Mm-hmm. Je pose la même question. Mm-hmm. Dieu est tout puissant aussi. Uh-huh. Quand le jour quand Satan a été orgueilleux, quand Iblis mm-hmm. a été orgueilleux, et qu'il ne s'est pas prosterné en disant qu'il a été fait de feu, cela a été fait de l'argile, ouais. pourquoi il n'a pas détruit le truqué. Pourquoi il n'a pas détruit directement Iblis? Et là, et Iblis lui a dit clairement que je vais me placer en chemin et je vais égarer beaucoup de tes gens là, n'est-ce pas? Pourquoi donc Dieu a laissé aussi faire? Pourtant il est tout puissant. Il pouvait le supprimer. Pourquoi? Mais il nous a montré. Il nous a dit, mais il ne nous a pas caché. S'il avait caché Satan, oui, mais il n'a pas caché. Il a dit que bon, voilà Satan qui est là. Oui. Voilà ce que Satan a dit. Mm-hmm. Mais moi, je suis votre Dieu. Voilà ce que aussi je dis. Mm-hmm. Si vous suivez là-bas, vous êtes égaré. Mm-hmm. Si vous me suivez, vous êtes bon. Mais la question est maintenant. Là, pourquoi ne pas supprimer pour que ça ne soit pas comme ça pour que, justement, maintenant, les gars, c'est un truc que ça, c'est le choix de Dieu. Uh-huh. Ça, c'est des questions que. Peut-être tu me poses, tu veux dire qu'il n'y a pas de réponse. Donc tu vois que ça, fait, c'est un choix de Dieu. Regarde, n'est-ce pas, l'histoire la commence de la même façon, mais ça ne se termine pas de la même façon. Ok. La Bible elle-même, elle dit que le père ne supporte pas le péché d'un fils, ni le fils supporte le péché d'un père. Exactement. Ça veut dire que moi je ne peux pas pécher, on prend mon père, on le punit. Ou bien mon père, on le punit. Ça veut dire que maintenant, le péché que les Adam et les autres ont lancé, Jésus est venu maintenant, il a pris la responsabilité. Pour mourir. Oh, ce n'est pas seulement ça. Hein? C'est pas seulement ça. Lui-même Jésus en mourant. Mm-hmm. Moi, je me demande pourquoi toujours. Mm-hmm. Parce que dans la Bible, la mort de Jésus est bon. Oui. Il a sauvé l'humain. Oui. Pourquoi alors le jour où on a arrêté Jésus, il leur posait des questions. Pourquoi chercher à me faire mourir? Non, il n'a pas posé la question. Dans la Bible, il n'a pas posé ça. Ok. Il a dit. En fait, il priait. Il le dit, mais parce que. Non, ça c'est pas quoi le jour, c'est pas quoi le jour. Non, je sais de parler. Parce que ça c'est en train de venir. Regarde. Parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit que Jésus a dit que si on te gifle là, tu donnes la blé. Si on te prend le manteau, tu donnes peut-être la chemise, ainsi de suite. Ok. Jésus lui-même, quand on lui a arrêté, avant d'aller le plus haut, et je vais donner le claquet, un bon claquet. Bam! Jésus lui a répondu quoi? Moi, j'attendais plutôt pour qu'il donne un autre jour. Mais il lui a demandé plutôt, pourquoi me gifles-tu? Pourquoi me frappes-tu? C'est que j'ai dit. Il a dit ça. Oui. Non, regarde bien, n'est-ce pas? Il a dit que les gens sont venus les gens sont venus le frapper. Il peut te montrer cela. Les gens sont venus le frapper. Les soldats l'ont frappé en se moquant de lui. Il dit que toi qui as prophétisé, prophétise alors. La Bible déclare qu'il est resté calme. D'accord? Mais en fait, il y a deux épisodes de cela. Il y a le soldat romain et il est devant le Sanhédrin. Pendant qu'on lui pose la question, es-tu le fils de Dieu? Es-tu si il reste tranquille? Quand on l'a frappé, que tu ne réponds pas sur un sacrificateur, il dit que s'il fait du mal, pourquoi donc me frappes-tu? Est-ce qu'il fait quelque chose de mal pour que tu me frappes? Ce n'est pas absolument quoi qu'on pour te défendre, ce n'est pas contre à sa loi. C'est un peu cela. Puisque la Bible déclare de lui dans les livres du prophète Esaïe, on dit qu'il n'a pas dérobé son visage à ceux qui lui tapaient. On a tapé son visage, on a tiré sa barbe. D'accord? Des prophéties écrites 800 ans avant lui. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. Quel qu'en soit le cas, Jésus. Oui, sur le thé. Attends, Non, ça va, mon frère, c'est bon si tu savais qu'on est nul, les gars. Mmh. Nick, ah, il connaît pas cette tradition. Non, c'est, si c'est comme ça tous les jours, je vais passer. Non, je vais passer tous les jours. Non, je vais passer. D'accord. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est la loi de l'amour. Et ce n'est pas contre à quoi que ce soit qu'il a fait. Jésus, que lui-même, il est venu à. Il n'y a aucun commandement que Jésus a transgressé. Mmh. Aucun commandement. Parce que, un, il était parfait. Deux, il est venu dans la nation juive pour leur montrer que vous devez revenir à votre Dieu, au Dieu d'Israël. Trois, mais il est bon. Il est bon, absolument. Et tu te libères dans le Coran pour te montrer quelque chose. Quelque chose de merveilleux. Parce que nous touchons, c'est toi qui es entré, boum, dans ce point-là. Parce que la question que tu m'as posée, c'est ceci. Jésus-Christ, parce que l'une des questions que les musulmans se posent, c'est où est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Je vais te le montrer maintenant, et dans le Coran, et dans la Bible. Même dans le Coran? Oui! Okay. Mais ça va te surprendre maintenant. J'ai hâte de voir. Ok. Dans le Coran, chapitre 17, le verset 32, il est écrit par exemple que le nom de Allah, le nom de Allah sont les noms merveilleux, il a le plus beau nom. Que si vous le résistez, mais quand vous le résistez, ne restez pas trop avec voix haute. Ne voit pas, mais trouver un équilibre. Et la Bible déclare, et ce Coran-là déclare clairement que chacun de ces noms-là est équivalent. Mm-hmm. Il y en a 99 propres. 99 noms, n'est-ce pas? Mm-hmm. J'ai les listes ici, là, justement, avec les interprétations. Mais maintenant, est-ce que c'est possible que Dieu ait le même nom que quelqu'un d'autre? Non. Parmi ces noms-là? Non. Ok. Il dit, prends le temps, on va voir quelque chose. Mais je dis, il a dit qu'il a 99 noms. Mmh. Mais parmi les 99 là, oui. Mais il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Mmh. Hein, oui. qu'on ne peut pas donner aux autres. Quoi? Allah. Allah. Le problème c'est que avant que Mohamed soit là, on avait les dieux qui étaient là-bas à mettre là-bas à la zone là que Allah. Si. Avant que Mohamed ne vienne avec la religion d'Islam. Allah. Je vais te donner la référence. Même, il dit ici. Les Quraysh, hein? C'est la tribu du prophète Mohammed. Mm-hmm. Ils étaient des idolâtres, n'est-ce pas? Avant qu'ils ne viennent là-bas, ça chauffe pas. Pourquoi ça chauffe ici comme ça? Ça va. Ok. Je sais dire qu'avant que Mohammed ne vienne pour venir dans son parti pour dire que vous adorez le faux dieu et autres là-bas, n'est-ce pas? Mais il y avait Allah là-bas, pourquoi? Mm-hmm. Comment il y avait Allah alors que le Coran n'était pas encore? Puisque quand tu as dit que c'est ce nom-là. Or, quand tu dis Allah, si on travaille en français, ça donne quoi? Tu as dit tout à l'heure Dieu, voilà. Le Tout-Puissant. Dieu. Mm-hmm. Mais là, tu vois que ce sont les attributs là-bas. Mm-hmm. Mais il y a un nom. Mm-hmm. La question qu'il me pose aussi, c'est ceci. Mm-hmm. Quand il était venu se montrer à Moïse, il a donné un nom. Même dans la Bible, non? Il y a différents noms de Dieu. Non? Voilà, il y a des noms différents de Dieu. Il y a même plus de 400. Plus de 400, oui. N'est-ce pas? Voilà. Mm-hmm. Mais est-ce que, alors, parmi tous ce nom-là, tu as déjà entendu un jour, on a appelé quelqu'un Dieu, ou bien Yahweh, ou bien quelque chose du genre? Mais si on appelle comme ça, là, quelqu'un, tu vas dire que non, c'est un blasphème. Voilà, c'est le nom, alors, qu'on ne peut pas donner. Mm-hmm. Donc, tu ne peux pas donner à quelqu'un le nom Dieu. On ne peut pas donner. Mm-hmm. Même Yahweh, je n'ai jamais entendu. Mais attends, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur un point. Même Jésus, je n'ai jamais entendu cela. Mais pourtant, il y a même, pendant que Jésus était là, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus. Même après Jésus, il y a même un joueur de football qui s'appelle Jésus. Mais bon, c'est que Jésus, le Messie, Yeshua HaMashiach, ne peut pas donner ça à quelqu'un. Mm-hmm. Parce qu'il n'y en a qu'un seul Messie. Mm-hmm. Ok. Ce qu'il veut dire, c'est que. Même le Coran reconnaît le Messie. Là. Mm-hmm, mm-hmm, je connais. Donc, mais ce qu'il veut dire, c'est ici. Quand le Coran parle de 99 noms de Dieu, mais ce qu'il veut qu'on a beaucoup soit d'accord, c'est que tous les noms là sont équivalents. Il n'y a rien qui est grand par rapport à l'autre. Mm-hmm. C'est d'abord la tradition coranique qui nous dit. Ça veut dire que s'il appelle par exemple Al-Nur, c'est exactement l'équivalent de Allah. Il n'y a pas l'autre qui est plus grand, l'autre qui est plus petit. S'il dit par exemple Al-Barek, c'est exactement comme Al-Nur. N'est-ce pas? Le problème, c'est que, comme je t'avais dit la dernière fois, chaque nom porte une signification. Non, je connais les significations entièrement. Mais il veut dire ceci, il parle de l'ignorance. Mais la signification, le nom d'Allah, c'est le seul nom qui est unique. Elle est unique. Bon. Là-bas, la signification Allah, ça veut dire que le seul vrai Dieu. Point. Non, ça veut dire Dieu. Ouais, le seul vrai Dieu. Point. Dans ce cas, comment est-ce que, avant que Mohamed ne vienne, comment se fait-il que les gens qui étaient là, les Quraysh, là, connaissaient Allah? Pourquoi? Allah? Oui. Mais il y avait les gens, le Dieu, avant que le prophète n'arrive, n'est-ce pas? Oui. Mais il y avait les gens qui étaient avant lui, qui ont connu Dieu. C'est pas lui qui a inventé. C'est pas lui qui a inventé la langue arabe. Mm-hmm. Non, il y avait les arabes. Il y avait les arabes. Mm-hmm. Hein? Oui. Donc ça veut dire donc que les gens là connaissaient Dieu, mm-hmm. mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils connaissaient le nom de Dieu, mm-hmm. mais ils ne connaissaient pas le vrai. Comment ils ont fait pour apprendre le nom de Dieu? Parce que Dieu a quand même envoyé, les prophètes sont venus prêcher. Et n'oublie pas que, comme on avait dit la fois passée, Abraham et il y a Ismaël et d'autres. Mm-hmm. Donc ça veut dire que les deux personnes là, ils comprennent leur langue. Mm-hmm. Les deux personnes là. Mm-hmm. Dieu a parlé en arabe et en hébreu. Mais le problème, c'est que. Mais Dieu n'a jamais parlé en français, ce dit, ni en anglais. Ce qui veut dire, c'est mais les deux personnes s'entendent, ils parlent bien mm-hmm. le truc. Mm-hmm. Donc, mais ce qui veut dire, c'est ici, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voici le niveau. Mm-hmm. Le mot Dieu, mm-hmm. c'est un titre. Mais pas le nom. Mmh. Il veut qu'on se comprenne sur ce point-là. D'après la Bible là-bas, hein? D'après mmh. la Bible, le nom de Dieu, c'est un titre. Mmh. Non, Dieu a un nom, mais le titre, c'est quand on parle président. Mmh. Président, c'est pas le nom. Oui, c'est un titre. C'est un titre. Parce que quand on dit président, c'est un chef. En plus, mmh. si on dit chef. Mais maintenant, c'est de dire que le Allah, mmh. en anglais, c'est quoi? Tu vas dire God. En français, c'est quoi? Tu vas dire Dieu. Mmh. Une autre culture. Et si on demande chez les Indiens, voilà. Voilà, tu vois. Si on demande chez les Indiens, on va appeler encore un autre nom. Mais pourtant, on va croire que c'est le même Dieu, mais le problème c'est qu'il faut qu'on arrive au niveau du nom de la personne de Dieu. Mm-hmm. Tu comprends cela? Bon, d'après toi, le nom vrai, la personne de Dieu, c'est quoi? Lis le livre des Hébreux, mm-hmm. C'est-à-dire le livre de Moïse. Mm-hmm. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, mm-hmm. ce qu'il a dit, disons, Exode, c'est mm-hmm. le troisième livre. Je connais la partie là. Mm-hmm. Lorsque Moïse, il a vu le buisson dans le feu. Voilà. Mm-hmm. Il lui a dit que quoi? Il a dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, Isaac, le Dieu de vos ancêtres. Après, il a dit que je m'appelle Yahweh. Il a dit que. Voilà mon nom. Si tu m'envoies comme ça, là, comment je vais te reconnaître? Si on me demande ton nom, comment je leur dirais-je? Il a dit, je suis. C'est l'éternel. Je suis celui qui est. Mm-hmm. Tu vois? Mm-hmm. Point. Mais il n'a pas donné son nom. Non, il a donné un nom. Dans le verset 14, il y a un nom. Dans la version grecque, dans la version originale, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y a le tétragramme YHWH. Le tétragramme mm-hmm. que les Juifs mettaient dans l'écriture. C'est écrit là-bas plus de 6900 fois. Mm-hmm. Il a donné quoi? C'est ce qu'on appelle Yahweh. Yahweh. Non, je ne veux même pas prononcer. Yahweh. Parce que d'après la tradition juive, on ne se prononce pas. Mm-hmm. Parce que c'est écrit exactement comme en arabe, on écrit sans les voyelles. Tu vois un peu cela. Maintenant, on peut en lisant maintenant avec la vocale, maintenant, les initiés savent que ici c'est telle vocale. Mais c'est ça que tu entends, on dit témoin de Jéhovah. De Jéhovah. Jéhovah là, d'après eux, voilà, c'est comme si c'était le nom. Ouais, tu vas voir un bouchon, dit que est-ce que tu connais le nom divin? Mm-hmm. Tu vois un peu cela. En disant Jéhovah, un témoin, je ne peux pas se mettre devant moi, il me dit clairement que la prononciation c'est Jéhovah, parce qu'il n'y a pas de preuve. Voilà. Mais. Disons ceci, mm-hmm. Dieu a donné un nom, et ce nom-là c'est YHWH. Mm-hmm. Si on quitte de la transcription ça signifie... hébraïque, ça, en fait, les attributs de Dieu mm-hmm. se trouvent à l'intérieur. Mm-hmm. L'éternel, celui qui existe par lui-même, celui qui est omniscient, celui qui est omnipotent, le tout-puissant, le tout-musicologique et haut là-bas, ce nom-là le caractérise. Et quand il dit je suis celui qui est, ça veut dire qu'il n'a pas de début, mm-hmm. il n'a pas de fin. De fin. Absolument. Donc son nom identifie. Mm-hmm. Mais maintenant, voilà son nom. Mm-hmm. Or, quand on dit par exemple que quand la Bible parle des autres dieux, comme Satan, les autres démons, ils vont passer pour Dieu. Quand tu dis maintenant Dieu, quand ici il prononce Dieu, comment tu vas savoir que, comme il dit Dieu, c'est le grand Dieu? Tu comprends leur question? Je comprends. Et comment on l'a différencié avec le petit Dieu? Maintenant, s'il dit le Dieu YHWH, tu sais que c'est le plus grand que ça n'est pas. Le problème, hein, chez nous, par exemple, ici en Afrique, en fait, pas en Afrique, dans le monde entier, lorsque tu dis Dieu, Dieu, point, nous savons que. Tu parles de grand Dieu. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. C'est à toi maintenant. Dans ta conscience. Non, c'est à toi maintenant de faire croire aux gens que le Dieu que toi tu as prononcé là, ce n'est pas plutôt le grand Dieu, peut-être c'est le petit Dieu. Uh-huh. Mais quand tu dis que Dieu, si ma mère te dit que bon, que Dieu nous donne une longue vie, oui. Moi je me suis adressé au grand Dieu. Uh-huh. Mais quand tu vas parler avec Bamileke, le Bamileke adore l'écran. Quand il va appeler Dieu en ce moment, tu vas dire si. Mais quand même pas si mais en Allah. Français, c'est Dieu, non? Dieu, mais voilà, même Dieu. Beaucoup de gens savent que quand on dit Allah, c'est toujours Dieu. Mm-hmm. Il n'y a jamais de contradiction. Mais le problème, c'est ici. Oui. Le problème, c'est que quand le Bamileke va entendre dit Dieu, il parle de son Dieu du village. Mais tu entends Dieu. C'est pour ça qu'il faut clairement une distinction. Justement, voilà pourquoi je dis, hein, s'il veut parler de son Dieu, il va te dire de quel Dieu il parle. Mm-hmm. Moi, je ne peux pas dire que peut-être j'ai un Dieu chez moi à la maison, il te dit seulement que Dieu me donne tout. Mais je vais te dire que mon Dieu qui est à la maison, oui. Mais comme nous n'avons pas le Dieu que nous adorons, quand on dit Dieu, c'est le vrai Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé Abraham aussi, non? Il y avait beaucoup de statues, il adorait, adorait. Il a dit que non, va détruire tout cela. Je suis le vrai Dieu. Ok, maintenant, restons sur le fait que le chrétien et le Coran enseignent, la Bible et le Coran enseignent l'unique Dieu. Il y a un unique Dieu. Mais à ce point-là, on est toujours d'accord, non? Mais c'est la façon d'approche, oui. Voilà. Il y a un unique Dieu. Mais tu vois que tout à l'heure, quand tu étais assis, il dit que l'une des choses que les musulmans ne comprennent pas chez les chrétiens, c'est qu'on n'a pas bien expliqué l'approche de ce Dieu-là. D'accord? C'est ce que j'ai dit que j'aimerais maintenant que tu m'expliques. Voici ce que la Bible enseigne. Dans le livre de 1 Corinthiens, je ne sais pas si tu peux prendre, n'allez pas prendre 1 Corinthiens, avant seulement comme ça. 1 Corinthiens. Non, prenons 2 Corinthiens, avant ça, avant où tu m'as 2 Corinthiens. Tu sais que moi je ne peux pas être, voilà, 1 Corinthiens. Voilà, ok, voilà. Donc après 1 Corinthiens, il y aura 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Oui. 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5. C'est le livre 5. Voilà ça. 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4, chapitre 5. Ok. Lis maintenant le verset 19. Regarde le verset 19, tu lis, vois. Le verset 19 dit ceci. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leur péché. Et il les a mis en nous. Il a mis en nous. En nous la parole de la réconciliation. Donc, en expliquant, on comprend que il dit clairement que Dieu était en Christ. Donc, c'est ça le problème. Ça risque d'être un blasphème pour toi. Donc, il faut que tu me permets que j'explique. Non, explique. C'est pas un blasphème. J'ai donc dit que chez les chrétiens, l'approche, il y a un seul Dieu unique. Mais l'approche, c'est que la Bible enseigne sur ce Dieu-là diffère de l'explication que ça donne. L'explication de l'islam, c'est que Dieu est hors de sa créature et nul n'est comparable à lui. Il ne peut pas venir. Voilà l'enseignement de l'islam. Maintenant, voici donc le problème avec les chrétiens. Voici donc l'enseignement de Dieu. L'être humain étant dans le péché, ce n'est pas seulement les chrétiens. Il a racheté le péché de l'humanité parce que même la terre a été souillée. D'accord? Ok, si tu dis pardon pour tes péchés, après tu vas toujours mourir. Absolument, tu vas toujours mourir. Voilà la terre est pécheur, ça produit des charbons, ça produit des choses, alors que c'est pas comme ça que Dieu avait créé. Pourquoi la terre, toute l'humanité est dans le péché? Parce que, quand Dieu a créé l'homme Adam, il avait la responsabilité sur toutes les choses de la terre. Ça, on va l'expliquer selon le contexte biblique. Clair. Maintenant, si tu es le chef de cette maison-ci, si tu es le chef de cette maison, les bandits viennent te mettre derrière la prison, ça part, ils peuvent faire n'importe quoi sur la maison. Justement. Parce que le principe biblique, c'est que c'est chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand Satan a fait pécher Adam, alors, il a eu les droits de propriété d'Adam et de tout ce qui était sous la responsabilité d'Adam. Je vais t'expliquer pour en venir maintenant. Ok. Maintenant, comme Adam était le premier père de l'humanité, comme il a vendu le droit toute l'humanité, alors toute l'humanité a été vendue donc sous Satan. Donc, il n'y avait pas possibilité pour que quelqu'un puisse racheter, il faut qu'il soit sans péché. Conséquent, toute personne qui naissait avait automatiquement le péché parce qu'il naît dans cette atmosphère, le monde. Dans une assiette, peut-être, par exemple. Voilà, comme qui appartient à Satan. Voilà. Je suis en train d'expliquer maintenant pour voir. Je comprends. Maintenant, il n'y a personne parmi les humains, parce que chacun naît avec le péché. Le seul fait que tu es né parmi les hommes, tu es né dans la désobéissance. Ok. C'est ça dont Dieu, toi tu ne peux pas venir payer. Personne ne peut venir payer. Dieu s'est faufilé dans la création. D'accord? Parce que Dieu respecte lui-même la loi qu'il a bloquée, la mise. Il s'est profité dans la création. Il a créé comme Gabriel a parlé à Marie. Aucun être humain n'est allé sur Marie. Il s'est créé un corps là-bas, entré à l'intérieur. Voilà le problème. Ce qu'il a dit, il dit Dieu était en Christ. Donc le corps était Jésus. C'est l'être humain. Le nom, il a pris le nom parmi les hommes. D'accord? Comme par exemple, moi, je m'appelle Junior. Maintenant, en moi, il y a un esprit. On est d'accord? Mon esprit ne s'appelle pas Junior. Donc l'être humain, il a son corps, son âme et son esprit. Jésus, dans le corps qu'on appelle Jésus, Emmanuel, c'était le tabernacle, l'habitation où les dieux qui est esprit devaient habiter. On dit donc que Dieu était en Christ, réconcilier le monde en lui, parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour réconcilier. D'accord? Un humain ne peut pas payer, parce que c'est pas Dieu qui a péché, Dieu ne peut pas pécher. Maintenant, comme sa loi dit qu'il faut qu'on ait le droit de rachat, c'est-à-dire que pour que tu viennes réclamer quelque chose. Comme par exemple, maintenant, si quelqu'un a débarqué dans la maison, c'est pour que quelqu'un puisse entrer dans la maison pour reprendre la maison, pour dire c'est quoi que tu fais. Il faut qu'il ait un droit légal par rapport à la maison. D'accord? Maintenant, il fallait que, d'après la loi de Dieu, pour qu'on puisse racheter quelqu'un, il faut que tu sois un proche parent. Et même si chez les musulmans, ça se trouve encore. Il faut que tu sois pieux. Voilà donc pourquoi il a créé un corps. Il s'est créé un corps dans lequel il a habité. On se comprend? Donc, dans le sein de Marie, les choses du mari n'ont même pas touché. Parce qu'il a gardé Marie, puis elle était vierge. Et il est venu habiter dans ce corps-là pour que ce corps-là soit capable d'être pris parmi les hommes et pour pouvoir racheter l'humanité. Donc maintenant, non seulement il rachetait tout le monde entier, mais la terre ainsi. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu était en Christ. Si tu lis Romains, avant, ça peut voir 1 Corinthiens. Non, rentre plutôt avant 1 Corinthiens. Romains. Mmh. Tu as vu Romains. Romains chapitre 4. Lisons quelque chose là-bas. C'est parce qu'il faut qu'on comprenne, c'est ça qui fait que les. Chapitre 4, verset. Oui. Prenons à partir du verset 1. Lisons doucement pour qu'on y voit. Verset 4. Chapitre 4, là où ça commence. Il faut voir ton texte, ça ne se reproduit pas. Ok, je ne savais pas. Lis à partir du verset 1 donc. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Oui. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Oui. Car que Dieu l'écrit, que Dieu l'écriture. Mm-hmm. Que dit l'écriture? Que Dieu l'écriture. Dans l'écriture, dans la loi dit quoi? Que Abraham crut à Dieu. Abraham. Et cela fut imputé à justice. Oui. Donc il y a d'abord, quelqu'un doit d'abord croire pour que le pardon arrive. Il y a d'abord, première chose, croire. Maintenant, allons au chapitre 5 maintenant. Chapitre 5 maintenant. Il y a maintenant quelque chose. Tu dois d'abord croire et puis maintenant, avant que ça arrive dans l'action. Chapitre 5 maintenant, à partir du verset 12. Étant donc justifié par la foi. Non, chapitre 5 à partir du verset 12. Verset 12 dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché et entre dans le monde. Et par le péché de la mort. Le péché et la mort. Et qu'ainsi la mort s'étendue sur tous les hommes. Oui. Parce que tous ont péché. Que tu l'admets ou non, Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'on meure, initialement. La question maintenant, c'est que pourquoi on meurt? Ok. Si par exemple que tu n'étais pas là quand Adam péchait. Pourquoi nous mourons maintenant? C'est exactement ce qu'il a dit d'expliquer. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, l'initial, le péché. Oui, c'est à cause de cela. Une seule personne, que tout le monde meurt. Voilà pourquoi la mort est dans la création. Je vais donc savoir pourquoi cela. Parce qu'il a commis le péché. Je t'ai dit tout à l'heure que, comme celui qui avait la responsabilité de toute l'humanité. Bon, voilà, il dit, voilà, toujours. Dieu avait dit que l'âme qui pêche. La partie, c'est toujours que nous n'entendons pas. Oui, on ne peut pas. En fait, on ne comprend pas. Tu as dit que. À cause d'une seule personne. Non, c'est pas moi qui ai dit ce qui est écrit. La Bible a dit qu'à cause d'une seule personne, tout le monde est devenu pécheur. Pas seulement le monde, pas seulement les êtres humains, les chiens, le château avec tout le monde, mais le monde entier. Parce que spirituellement, il avait la domination sur tout le monde. Justement, il est devenu pécheur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Jésus est venu donc maintenant pour racheter. Oui. Il est mort. Bon, les gens qui sont morts avant Jésus sont déjà morts. Jésus n'était pas encore mort. Oui. Bon, voilà, Jésus est venu maintenant. Oui. Il est mort. Il a racheté. Pourquoi est-ce que la mort continue toujours? Voilà le problème. Voici donc la chose. Avant de dire ça directement, il dit quelque chose. Quand Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire qu'il y a cela plus de 2012 ans comme ça qu'il est venu là, n'est-ce pas? Avant Jésus-Christ, il y avait des gens, n'est-ce pas? Dieu a donné un moyen, et il y avait dans cette réponse à la dernière fois, les péchés étaient couverts et non ôtés. Yahya a dit de Jésus-Christ que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. D'accord? Je crois que c'est même écrit là-bas. Voilà. La réponse est là. Pendant qu'il lit, suivez dans ta version, il continue ici. Verset 13, hein. On dit car jusqu'à la loi. La loi, c'est à partir de Moïse. Jusqu'à la loi, ça n'est que d'Adam jusqu'à Moïse. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Même quand la loi n'était même pas là, le péché était déjà là. Avant que Moïse était déjà mourait, n'est-ce pas? Dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire qu'on ne peut pas te reprocher le péché tant que tu ne connais pas qu'il n'y a pas quelque chose pour condamner. D'accord? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire que sinon, ceux qui n'ont pas péché comme Adam a péché, la mort était toujours sur eux. Qu'il monte, qu'il descend, n'est-ce pas? Lequel est une figure de celui qui devait venir. Maintenant, voici dans l'explication. On dit Adam est une figure de celui qui devait venir. Si tu remarques ça, comme l'islam l'explique très bien, j'aime Ahmed dans ce domaine-là. Quand il veut dire que Jésus n'est pas de celui qui est dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, comme on va revenir. Il veut montrer que c'est. Il est parlé de Mohamed là-bas. Quand il met la comparaison entre Jésus et c'est ce que le Coran dit, il dit que je dis seulement soi et je sois, que j'ai créé Adam à partir de rien. Remarque très bien que Adam et Jésus sont les seuls qui sont spéciaux dans la création. Ouais. Les deux. Les trois même. Hein? Et Ève aussi. Et Ève. Bon, Ève n'est pas. La femme n'a rien à voir là-dedans. D'accord? Elle lui met la femme parce que c'est homme-homme. D'accord, ok, les deux. Uh-huh. Donc les deux, parce que c'est Adam qui a la responsabilité. Voilà pourquoi Adam a fait devenir la création. Uh-huh. Maintenant, Adam a été tiré de rien, de la poussière comme ça, là, et soufflé. Jésus a été tiré maintenant parmi. Parce que l'homme a été vraiment poussière, elle a aussi tiré de la poussière de la femme. Remarque bien. Uh-huh. Ok, voilà les deux, donc, parce que Adam a été créé parfait dès le départ. Jésus est aussi maintenant tiré de la femme, Marie, parfait également. Voilà les deux. Et ces deux comparaisons, on doit comprendre maintenant l'émission. L'un trahit l'humanité, l'autre rachète l'humanité. Ça devait être un problème. Il dit le simple fait de comprendre que, on dit, Adam est une figure, on dit ici dans ce verset 15 là, il dit, verset 14 là, il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel Adam est la figure de celui qui devait venir. Donc ça dit qu'en lisant la Bible, depuis le temps de Moïse, depuis le temps, on a compris que Dieu avait préparé quelque chose. Comme je t'ai posé la question tout à l'heure, quand Iblis a fait ça, pourquoi tu n'as pas brisé? Tu as dit que c'est dans sa volonté. Il pouvait faire comme il veut, il pouvait décider de faire. De la même façon, quand Adam a fait là-bas, comme tu as dit que pourquoi, quand Adam a dit pardon, pourquoi il n'a pas pardonné? Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu pardonne le péché. La Bible nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Tu as vu? Il faut que le sang soit versé. Maintenant, voilà pourquoi quand Dieu a donné la loi à Moïse, quand il dit que chaque année, les gens devaient venir égorger les trucs pour le sacrifice. Dans ce cas, pourquoi, d'après la loi, s'il faut seulement dire pardonne-moi, Seigneur, il pardonne. Pourquoi donc il ordonnait qu'on vienne en sacrifier? Ces sacrifices-là, dans la loi, il voulait le montrer, d'après la loi, qu'un moment, on va venir où il va présenter quelqu'un qui va enlever le péché. Sinon, il suffisait que Moïse dit que quand vous péchez, dites pardon à Dieu. Tu as remarqué ça, n'est-ce pas? Donc, dans la loi, il fallait que les gens viennent. Il avait mis les sacrificateurs, souvent sacrificateurs, où les gens devaient venir avec l'agneau pour sacrifier. Ces sacrifices montraient que tant qu'il n'y a pas le sacrifice, les gens ont bavardé, ça ne pouvait pas avoir accès. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, Adam est la figure de celui qui devait venir, d'après les prophéties de Dieu. Mais dans le verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répondu? Mon problème, c'est que oui. Pourquoi on dit homme Jésus-Christ? On lui dit toujours homme. Voilà, mais Dieu n'est pas homme. C'est ça le problème. Jésus dit ceci. Regarde bien, dans ce verset qu'on a lu là-bas, on dit qu'il y a un seul médiateur entre Jésus-Christ, Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Quand on précise homme, c'est la mission qu'il avait. Tout à l'heure, il veut expliquer le terme fils de Dieu. Qu'il y a encore une incompréhension entre les musulmans et les chrétiens. Donc, il est en tant qu'homme, tout simplement parce qu'il s'est incarné parmi les hommes. Il a pris le nom parmi les hommes. Voilà pourquoi il a dit, nul ne va au Père autrement que par moi. Dans le livre des gens, n'est-ce pas? Mais maintenant, regarde, si tu lis le livre des gens, tu vas voir que, donc chaque fois qu'on va mettre Jésus, on sache que c'est par rapport à sa mission terrestre. Quand il dit dans ce livre des gens, il dit, nul ne va au Père autrement que par moi. Un disciple demande que Seigneur, depuis que tu nous parles du Père, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit ceci, ah, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Ne crois-tu pas que le Père est en moi? Tu as vu maintenant que ce qu'il allait dire, il allait dire à ses disciples qui étaient physiquement. Corinthiens, c'est Paul qui a écrit. Paul n'a jamais été là. N'a jamais été là quand Jésus parlait ça. Mais il vient nous écrire maintenant que Dieu était en Christ. Comment il sait ça? Parce qu'il a compris l'enseignement que le Saint-Esprit lui a donné. Oh, Pierre n'était pas là. Écoute, je vais te répondre. Tous les prophètes de Dieu que Dieu a envoyés, Dieu était en eux et ils étaient en Dieu. Si moi, est-ce que tu me donnes un verset coranique qui peut dire ça de me dire? Je vais te dire un truc. C'est-à-dire, la partie, par exemple, que Jésus, les Juifs le posaient la question, que mais tu n'as que 30 ans, tu n'as jamais eu Abraham, tu parles d'Abraham. Il y a avant Abraham, je suis. Ok, Abraham, avant qu'Abraham ne fût, Jésus était. Jésus était où? C'est toi qui voulais répondre. Hein? Ok, je suis en train d'expliquer. Remarque très bien qu'il n'a pas dit j'étais. Il a dit je suis tout simplement. Enfin, je suis. Et c'est le même mot que Dieu a dit à Moïse. À Moïse. Ça, c'est le tactique des chrétiens. Mm-hmm. Je veux dire je suis les anciens, les dieux, les fous. Ok. Remarque un peu dans Jérémie, par exemple, Jérémie 1er. Dieu a dit à Jérémie que avant que tu sois dans le sang de ta mère, je te connaissais et je t'ai destiné à être prophète. Oui. parlons clairement. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sang de Marie, exactement, je te connaissais. Exactement. Il était où? Il était où? Oui, Dieu le connaissait. Oui. Bon, il était où? Ok. La dernière fois, tu m'as dit que Dieu connaissait qu'on serait ici aujourd'hui. Justement. Même aujourd'hui, mais il connaît. Propre. Ça veut dire que nous sommes prophètes? Non. Absolument. Donc, ça veut dire que. Ça, attends, ça veut dire que, nous, que Dieu est en nous. Est-ce que ça veut dire que maintenant, que Dieu est en nous? Et les prophètes, c'est les différents noms. Ok, il veut dire ceci. Parmi tous les prophètes, les 124 000 prophètes là que vous connaissez là, il n'y a personne qui ait jamais dit que Dieu est en lui. Absolument. Même Mohamed n'a pas dit. Puisque, remarque bien par rapport à la chose. Dieu n'a jamais parlé directement à Mohamed. Attends, tu sais comment je vais dire? Dieu a parlé à Mohamed. Combien de fois? Justement, il allait prendre la prière, sainte prière. Où ça? Où? La vallée nocturne. Il est parti aller prendre. L'ange Gabriel est venu le prendre et l'amener jusqu'à là-bas. Et il est le seul. Attends, prophète. Où? Attends, où? Hein? Et il l'a amené où? Il l'a amené au septième ciel, là où était Dieu. Oui. Il est maintenant le seul prophète qui est allé. Sans intermédiaire, parce que là, comme l'autre a dit, entre Dieu, il y a toujours intermédiaire. Ça veut dire que Jésus n'a jamais reçu la parole face à face de Dieu. Face à face. Jamais. Mais Jésus reçoit la parole à travers l'ange Gabriel. Jésus, oui. Ok, dans cette forme, expliquer quelque chose. Oui. Comment le Coran appelle Jésus la parole de Dieu? Comment? Est-ce que Jésus appelle la parole de Dieu? Il est le seul prophète dans nous, tous les 120 ans, qui appelle la parole de Dieu. Comment il est la parole de Dieu si il reçoit la parole de Dieu? Par un ange. Mais oui, il est la parole de Dieu. Attends. Il est. Est-ce que tu sais que. Explique-moi ce que veut dire être la parole de Dieu. Être la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu parce qu'il est le représentant de Dieu. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, Dieu, il a, donc Dieu lui a donné la parole. Il parle aussi. Comment ça? Dieu lui a parlé. Okay. Dieu a aussi donné ce à Mohamed. Donc, on peut aussi dire que Mohamed, c'est la parole de Dieu. Non, l'islam n'a jamais dit que Mohamed est la parole. Non, il veut dire pas. L'exemple que je viens de prendre là, si on applique cet exemple à Mohamed, alors on peut dire que Mohamed aussi est la parole de Dieu. Il a parlé à Moïse face à face. Il a même dit à Moïse que va à Pharaon, dis ceci. Il parlait avec Moïse dans le feu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut appeler que Moïse, dans ce cas, est la parole de Dieu? Non. Alors, quelle est la parole? Pourquoi on appelle Jésus-Christ la parole de Dieu dans la parole de Dieu, regarde, il y a une chose qui se passe. On a pris tout les choses, on a mis sur Jésus. Qui a fait ça? Hein? Qui? Je ne sais pas. Non, je disais, le mot parole de Dieu là, ce n'est pas les chrétiens. Oh. Ils disent dans le Coran. C'est le Coran qui appelle que Jésus est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, tous les prophètes ont c'est la parole de Dieu. Non. Hein? Mais regarde, tous les prophètes de Dieu ont la parole de Dieu. Non, il n'y a pas la parole de Dieu. Hein? Attends, la parole de Dieu. Écoute, parce qu'il y a d'abord, il y a toujours le conflit entre. Le problème, c'est que la naissance de Jésus. La naissance de Jésus a eu trop de problèmes, trop de malentendus, machin, truc. Bon, maintenant, les disciples de Jésus, ils veulent toujours regarder Dieu en personne, ils veulent le voir. Mais Dieu dit à Jésus que on ne peut pas me voir, comme il a dit à Moïse, personne ne peut me voir. Mais dis-leur simplement que si on te voit, ça suffit. Hein? C'est comme par exemple que tu peux envoyer un ambassadeur. Oui, je suis en train d'expliquer. Mais Jésus n'a pas seulement dit ça. Jésus a dit que le Père demeure en moi. Moi, je suis dans lui. Ça veut dire c'est quoi? Dans l'unité. Il est le seul. C'est dans l'unité. Hein? C'est dans l'unité. Non, il a dit c'est dans l'unité. Ok. Est-ce qu'il y a un prophète qui a dit ça? Jamais. Pourquoi seulement Jésus? Parce qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit parce que tous les prophètes qui viennent là. N'est-ce pas le Coran dit que tous les prophètes que Dieu a envoyés, il n'y a pas de différence entre eux? Mais maintenant, parmi cette on a favorisé. Voilà pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas? J'ai dit l'autre jour que Dieu a donné toujours le pouvoir différent aux autres. Il les appelle toujours différents. S'il appelait peut-être Jésus parole, il a appelé Jésus parole. Peut-être il peut appeler une autre personne, peut-être je ne sais pas quoi. Mais je veux comprendre, n'est-ce pas? Ce que l'islam entend par parole de Dieu. Je veux vraiment que tu m'expliques. Parce que regarde, n'est-ce pas? La parole de Dieu signifie tout simplement dans l'islam représentant de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Donc, parce que l'islam nous a jamais dit un jour que Dieu est homme ou bien Dieu. Non, jamais. Mais dis ceci. Hein? Personne ne peut te répondre. La réponse que tu c'est exactement ça. Personne ne voilà peut te le problème. Tu vois, parce que voilà l'un des attributs de Jésus. Si Jésus était vraiment Dieu dans le Coran, Ne t'inquiète pas, tout à l'heure va toucher ça. Le prophète Mohamed ne t'inquiète pas, te le dire. Non, c'est Allah qui s'est révélé ainsi. Ou bien Dieu va le dire dans le Coran que non, Jésus plutôt il est Dieu. Oh, mais il a plutôt envoyé au prophète Mohamed d'aller dire, dit comme dans Surat Al-Baqarah, dit qu'il ne sait pas toi que je suis Dieu, le créateur. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré et nul n'est égal à moi. Nul n'est égal à moi. C'est exactement ce qui est écrit. C'est ça l'islam. Dieu, il est tout puissant. Hein? Mm-hmm. Il n'est pas semblable à nous, à qui que ce soit. Hein? Mm-hmm. Il n'est pas. Bon, dans ce cas, tu poses la question. Oui, pose-moi la question. On se situe maintenant sur deux endroits. Mm-hmm. Qui a dit dans la Bible que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon attention? Il est en train de vous dire. Ok. Ça, c'est la question. C'est le français qu'on parle. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. C'est Dieu. Mm-hmm. C'est Dieu qui a dit. Mm-hmm. À qui? À Jésus. Oui. C'est deux personnes. Oui. Dieu a dit. Oui. Deux personnes. Oui. Je recommence encore. Mm-hmm. Dieu a dit ceci. Mm-hmm. D'après le Coran, là, mm-hmm. Dieu n'engendre pas et il ne peut pas être engendré. Mais c'est même Dieu dans la Bible dit. Le problème, c'est que. En qui j'ai mis mon ok, le problème, c'est que. Mm-hmm. J'étais dit la dernière fois que. Voilà le problème qui se pose entre nous. Mm-hmm. Le Fils et Dieu. Mm-hmm. Parce que la partie qui est mentionnée, Fils, mm-hmm. l'islam rejette catégoriquement. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que, oui, il a dit, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré. Non, doucement, je dis ici, n'est-ce pas? Il nous a dit dans le Coran 4 là. Oui, je comprends, mm-hmm. je te comprends très bien. Mm-hmm. Je veux qu'on regarde quelque chose. Mm-hmm. Dieu peut-il dire quelque chose et venir dire le contraire? Je peux te dire que la partie là, mm-hmm. c'est les hommes qui ont dit à la place de Dieu. Dieu n'a jamais dit que Jésus est mon fils, fils. Ah. Attends, parce que lui, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'un fils. Parce que, n'est-ce pas? Attends, c'est lui qui a lancé de l'Al-Aqsa. Il dit ici, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, d'après ce que tu dis là maintenant, si ça disait comme le Coran dit, tu devais croire. Tu ne devais pas rejeter, non? Quoi? Il dit, n'est-ce pas? Mmh. Là où il est écrit que voici mon fils bien-aimé en qui. C'est Dieu qui dit dans sa propre bouche que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Mmh. N'est-ce pas? Mmh. Ok. Ce qu'il demande, tu dis que ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est l'homme qui a dit que Dieu a dit. C'est parce que ça ne concorde pas avec ce que l'islam dit, non? L'islam dit. Maintenant, si on se met sur ce piédestal. Voilà, parce que les gars, hein, mmh. l'islam nous a dit que mmh. tous les livres. Mmh. Tous les livres que les prophètes ont envoyés, mmh. ils ont été détruits et contredits. Mais l'islam, attends, justement. Attends. Là, alors, on va entendre les accords maintenant. Mmh. Quel verset coranique dit ça? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas trop parce que mmh. peut-être toi, tu peux même connaître le Coran mmh. mieux que moi. Mmh. Dit, parce que mmh. moi, je connais seulement en tradition arabe. Mmh. Mais en français, là, je n'ai pas totalement. Oui. Mais tu attends, merci en arabe. C'est que tu as nécessité la menace, je ne trouve pas de Coran. Hein? Ça, c'est dans la tradition musulmane. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Voilà le problème. Comment se fait-il qu'Allah n'aime pas quelque chose dans le Coran? Et toi, en tant que musulman, le Coran te dit clairement que Dieu a révélé ce que Dieu a révélé. Le Coran est total. C'est bien clair pour qu'on ne puisse pas donner d'interprétation. Mm-hmm. Dans ce cas, pourquoi tu vas aller dans la tradition pour chercher ce qu'Allah n'a pas dit? Moi, je ne suis pas allé dans la tradition. Parce que dans le Coran, c'est la tradition. Pas hein? Je t'ai dit que le Coran. Tradition, il parle des hadiths. Attends, les hadiths que tu vois là. Mm-hmm. Les hadiths là. Mm-hmm. Le Coran, c'est la parole de Dieu lui-même. Mmh. Ça veut dire que ça devait suffire. Il n'y a pas de parole de prophète ou bien les envoyés, tout qui ce soit. Uh-huh. Jamais. Uh-huh. Mais le truc, c'est l'explication. Mmh. L'explication. L'explication de quoi? L'explication du Coran. Ah, mais comment donc dans ce Coran? Je dis, c'est l'explication. Je comprends. Il dit, n'est-ce pas? Comment donc le Coran, Dieu dit dans le Coran, c'est que il a donné les choses de façon claire, il a expliqué les choses de façon détaillée. C'est le mot qu'il a utilisé en arabe. Détaillé. S'il a donc donné dans le Coran de façon détaillée, pourquoi nous allons regarder autre définition quelque part? Mais justement, il faut d'abord faire les explications pour mieux comprendre. Donc, il dit que dans le Coran, il a donné les choses détaillées. Il y en a aussi les gens qui comprennent toujours sans toutefois aller dans l'autre. Mm-hmm. Mais tout ça pour sauver peut-être tout, parce que regarde, c'est la seule langue que Dieu veut que tout le monde entier utilise, c'est l'arabe. Mon cher, seule langue. Mon cher, je dis voilà. Mm-hmm. Les hadiths sont écrits 200 ans mm-hmm. après le Coran. Mm-hmm. 200 ans. Mm-hmm. Entre temps donc, mm-hmm. ceux qui lisaient le Coran ne comprenaient pas. Ils comprenaient toujours. Dans ce cas, pourquoi on a besoin des hadiths encore? Mais maintenant, comme maintenant c'est pour toute l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Mm-hmm. Nous, parce que c'est en langue arabe. L'humanité doit apprendre l'arabe. Écoute, c'est la langue arabe, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Les arabes comprennent quand même mieux que l'arabe plus que non? Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Bon, maintenant, pour que les autres, tout le monde entier essaie de comprendre, il va falloir leur expliquer. Mm-hmm. Mais les arabes comprennent parce que c'est leur langue. Mm-hmm. Tu vois? Donc, ça veut dire que si l'arabe lit le Coran, mm-hmm. il doit comprendre directement. Ça, si on va passer par les hadiths. Un arabe, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'un arabe, s'il lit le Coran en arabe, il est bien arabe, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin peut-être d'aller qui que ce soit lui donne mm-hmm. des choses. Mm-hmm. Il comprend parce que c'est leur langue. Dans ce cas, pourquoi dans les imams et les ulémas, là, quand ils lisent les chèques, quand ils lisent le Coran, mm-hmm. ils donnent plutôt les traditions, ils expliquent que Mohamed a dit par rapport à telle chose que l'autre a rapporté, que Aïcha a rapporté, que le prophète a dit par rapport à telle situation. Pourquoi ils ne disent pas clairement ce que le Coran dit? Par exemple, par rapport à un enseignement biblique. Ça, c'est les hadiths que tu parles. C'est ce que ça me dit. Il dit que lui, il parle en arabe et il prêche dans le mosquée en arabe. Pourquoi donc il va encore mettre la tradition musulmane à l'intérieur alors que le Coran est déjà prêché et c'est en arabe? Il y a une chose. Les hadiths, est le Coran. Le Coran parle peut-être le monde entier. Mais les hadiths nous parlent comment prier, faire les ablutions, ainsi de suite, les conseils de l'islam, comment faire, le, Ça se trouve nulle part dans le Coran. Ça se trouve pas dans le Coran. Ce que le Coran se connaît, c'est la salat et le zakat. Et le zakat. Bon, le salat et le zakat, alors, c'est, tout ça, c'est le prophète qui a expliqué, on a écrit. Hein. Ah, mais le problème, c'est que c'est le prophète qui a expliqué ça. 200 ans après lui. Mais justement, même la Bible, avant qu'on écrit la Bible, il y a eu combien d'années, mon frère? Comment? Ce sont les 40 savants qui l'ont écrit dans l'époque différente. Mais le problème, c'est ça. Mais justement, par rapport à la Bible. Écoute, peut-être toi, à l'heure actuelle, là, tu écris, peut-être Matthieu, tu laisses. Ton arrière-petit-fils vient, il écrit peut-être Luc. L'autre encore peut-être, il vient écrire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on dit qu'on va entrer toucher dans le détail, ça veut dire qu'il n'y a jamais, il n'y a pas de vrai. Ça veut dire donc, si c'est comme ça, que ce soit le Coran et la Bible. Ok, reprenons, si je prends par exemple Hadith Boubakari, Boubakari 4, livre 4. Si on, le prophète, il dit, le prophète a dit, si quelqu'un vole un œuf, il faut plus la main. Pourquoi appliquer ça aujourd'hui? La charia dans la société islam, tu vois, le monde essaie toujours à pratiquer ça. Parce que là maintenant, pour dire vrai, le monde des chrétiens domine l'islam. Le monde, c'est-à-dire... Mais dans les prophéties islamiques, vous allez prendre... Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que, même au Nigeria, on voulait lapider une femme, tout ça, on a dit non. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas. Dans ce cas, vous êtes désobéissant face à Allah. Mais justement... Dieu a dit que si quelqu'un vole, tu le coupes. Mais en Arabie Saoudite, on le pratique parce que là-bas, c'est un pays islamique. Mais ici, pareil, chez nous, c'est pas un pays islamique. Les chrétiens, même là-bas, sont plus nombreux que les musulmans. Nous ne pouvons pas le faire. Non, non, voilà ce qui était dit au départ. Il était dit au départ que quand une société n'est pas islamique, c'est ce qui fait que les musulmans confondent des choses. Quand une société n'est pas islamique, ne dites pas directement que c'est. Parce que la société camerounaise n'est pas une société chrétienne. Il faut qu'on se comprenne. Moi, chez nous, écoute, je vais dire un truc. Chez nous, toute personne qui n'est pas musulman, comme nous sommes des chrétiens. C'est exactement ce qu'ils sont dit, c'est l'erreur que vous faites. Tu vois, c'est pas l'erreur. Et toutes ces personnes, il n'y a pas de monde bien dans le monde. Attends, il y a toutes ces personnes qu'on dit sont les chrétiens. Ce sont les gens qui ont toujours la Bible comme ça là. Non, avant la Bible n'est pas la chose. Puisque voilà, par exemple, j'ai le Coran. Est-ce que, comme j'ai le Coran, qui lit le Coran, il parle de Coran, est-ce que ça fait de moi un musulman? Non. Mais pour être. Attends, on ne devient pas musulman comme ça là. Pour devenir musulman, il faut venir. Pour qu'on te s'islamise, tout le monde sache que tu es musulman. Même le Coran a son principe aussi. Hein? Même la Bible aussi a son principe. Exactement. Si on est des Jésus. Mais si quelqu'un est venu entrer, on vient islamiser, il fait du n'importe quoi. Lui, il est musulman. Oui. Voilà. Comme Ben Laden, il fait le tuerie en tout cas. Musulman. Il est musulman. Absolument. Mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Il est musulman, mais il fait le truc. Maintenant. Mais pourquoi vous rejetez les autres? En fait, on le dit parce que la Bible dit ceci. Quand quelqu'un vient en Jésus-Christ, il doit marcher en nouveauté de vie. Ok. Dans ce cas, n'est-ce pas? Le fruit de la vie montre ce que tu dans fais. Dans ce cas, non, oui. Le vrai croyant de Jésus, il n'y a même pas. Absolument, mon monde. Je suis d'accord avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 100 dans mon monde. Absolument, mon cher ami. Je suis d'accord avec toi que ce script est là. Donc, on dit que la théorie selon laquelle c'est les chrétiens qui dominent le monde. Ce n'est pas les chrétiens qui dominent le monde. Parce que Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Le but des chrétiens, ce n'est pas de conquérir le monde entier. Jamais. Il faut qu'on se comprenne. Si on ne comprend pas les missions des chrétiens, même les chrétiens ne comprennent pas. Voilà pourquoi tu vois souvent certains chrétiens participer aux élections présidentielles ou votre. C'est la loi musulmane a tracé, d'après Mohamed, tracé la société, régulariser les choses par rapport aux lois et autres là-bas. Jésus n'est pas venu pour faire ça. Tu comprends un peu cela? Voilà pourquoi il a été dit tout à l'heure que l'enseignement de Moïse, l'enseignement d'Abraham, Isaac, tout comme ça, on appelle tout ça l'islam. Mais l'islam n'était pas fini de Jésus. Tout ça, c'était l'islam, ce n'était pas fini. Mais Dieu a voulu maintenant que l'islam. Donc, il a globalisé tout ça, il a donné entre les mains le prophète Mohamed. C'est à toi maintenant que je donne la finition. C'est-à-dire qu'il a parachevé la religion, il a donné entre les mains. Okay. Voilà pourquoi nous disons, nous, les musulmans, nous acceptons Jésus, le Messie, tout ça, il est bon. Dans cette on n'a jamais contenu Jésus. Je pose la question là-bas. Que, voilà, deux choses. Comment est-ce que tu dis que tu acceptes Jésus? Tu acceptes Jésus comment? J'accepte Jésus comme envoyé de Dieu, comme lui-même, il a dit dans Luc chapitre 10, verset 16. Oui. Tu vois, il a dit à ses disciples que. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, il rejette quoi? Le rejette si les gens ne le veulent pas. Après, il faut qu'on se comprenne. Il envoie ses disciples d'aller faire quoi? D'aller prêcher quoi? L'évangile aux Juifs. Oui. Hein? Oui. Si ils leur ont dit que si on vous rejette, ça veut dire que c'est. Comment m'a rejeté? On m'a rejeté. Et si on me rejette, on a rejeté Dieu. Oui. Hein? Okay. On a rejeté, c'est lui qui m'a envoyé. Voilà. Mais pourquoi moi je dis que dans le terme là, le français là, la logique est toujours là. Oui. On ne trompe pas quelqu'un. Oui. Ok. Jésus dit par exemple que mon père est plus grand que moi. Tu Absolument. Vois? Ok. Moi je viens te dire que peut-être cet homme est plus grand que moi. Mm-hmm. Je te jure, au nom de Dieu, tu ne vas jamais contredire. Tu mm-hmm. vas seulement accepter que non, c'est mon grand frère. Mais pourquoi Jésus dit de sa bouche, mon père est plus grand que moi? Mm-hmm. Maintenant, toi, tu veux essayer de me faire croire que non, c'est plutôt celui-là qui est Dieu. Et pourtant que ces deux pères... Voilà. Oui. On arrive à ce dilemme. Tu vois, tout à l'heure, quand il te dit, le Coran dit de Jésus qu'il est la parole de Dieu. Tu as essayé de prendre des idées beaucoup de... Il a la parole de Dieu. Ces deux personnes... Qui a... Qu'il est la parole. C'est pas une parole, par exemple. C'est quoi une parole? Qu'il est la parole. Oui. Quand tu parles comme ça, quand tu parles comme ça, ok. Là-bas, je vais expliquer. Hein. Uh-huh. Là-bas, il y a une simple contradiction. Oui. Mmh. Jean 1:1. Oui. Hein? Mmh. Au commencement était la parole. Oui. Hein? Mmh. Au commencement ne devait pas être la parole, ne peut pas être la parole. Mmh. Au commencement devait être toujours Dieu. Mmh. Et Dieu vient encore, la parole le suit. Mmh. C'est comme par exemple que un boulanger. Mais bon, c'est que ce verset a dit que la parole était Dieu. Je vais t'expliquer. J'ai dit, c'est comme par exemple qu'un boulanger peut-être. On dit le commencement était farine. Mmh. Le farine était avec le boulanger. Mmh. Tu vois? Mmh. Au contraire, au commencement était le boulanger. Mmh. Le boulanger était avec la farine. Mmh. Mais on dit qu'au commencement était la parole. Mmh. La parole était avec Dieu. Mmh. Non! Attends, au commencement, il y avait quoi? Au commencement était Dieu. Mmh. Quel commencement donc? Le commencement du monde. Tout commencement. Ah, donc ça veut dire que c'est par rapport au monde-ci. Puisqu'il y a un moment où Dieu était seul. Justement. Aha. Voilà. À ce moment, il y avait quoi? Il y avait la parole, bien qu'il y avait. Il était seul. Uh-huh. Il ne parlait pas. Il parlait avec ses anges. Non, même si les anges ont été créés à un moment donné. Justement, il parlait. Alors que les anges ne soient là, il était avec qui? Mais il était seul. Ah, dans ce cas, il faisait quoi? Attends un peu. Mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle, comment nous expliquer en arabe, on dit Zati, je ne sais pas quoi dire en français. Tu vois, par exemple, que si je me mets debout, comment on appelle l'ombre là, voilà. Il y a quelque chose déjà qu'on dit que Dieu, il est seul, mais c'est lui-même. Mm-hmm. Parce que dans le Coran, il dit toujours nous sommes, comme il a dit, nous avons créé l'homme à nous. Je comprends le fait que c'est le impersonnel à la première personne. Je comprends, voilà. C'est lui donc maintenant qui parle de nous. Parce que lorsque je suis un chrétien, il m'a dit que. Lorsque Dieu dit que nous avons créé l'homme à son image, forcément, il était avec quelqu'un. Non. Je lui dis alors, il était qui? Il dit qu'il était avec Jésus. Mm. Il dit que non, c'est toi qui veux te mettre. Non, Jésus, non, non, non, tu peux bien peut-être être là. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est que quand il crée l'homme, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il veut demander, c'est ici. La parole de Dieu. Tu vois, c'est la terminologie qui est le problème. Tu vas vouloir me continuer dans n'importe comment, mais Dieu, les personnes dont Dieu a appelé Jésus, Allah a appelé Jésus dans le Coran. Il n'a jamais tout. Regarde très bien que les attributs de Jésus sont totalement différents de tous les autres prophètes. Mm-hmm. Or, on peut regarder les caractéristiques de Mohamed, coller ça sur Moïse, coller ça sur Abraham, coller ça sur Jonas, coller ça sur Noah et autres, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus est unique, même dans le Coran? Justement, voilà pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas? Ça, c'est un choix de Dieu. Mm-hmm. Et dit que l'autre jour, que Dieu, peut-être on peut être 10, comme ici même, peut-être vous, toi avec tes frères, vous êtes tous les humains, mais il y a les femmes, tout ça, mais votre richesse est différente. Mm-hmm. C'est toujours lui qui donne, mais parmi les prophètes là, il donne, comme Salomon, il est le seul prophète que le Satan n'a pas tenté. Mm-hmm. Mais Jésus, par contre, parmi tous les prophètes envoyés, il est le seul que Satan est venu le tenter. Mm-hmm. Il était, et la Bible dit qu'il était en folie pendant 40 jours. Mm-hmm. Le seul prophète, Jésus, pourquoi le tenter? Tu crois que toi, d'après toi, Dieu, le diable peut faire le feu? Mais il est dans le Coran que parmi tous les gens du livre qui va venir là-bas, il va les séduire, non? Il va les infiltrer les choses dans le cœur, non? Il va infiltrer les hommes, mais pas Dieu. Mm-hmm. Non, mais à Jésus, donc. Si on a infiltré Jésus parce qu'il est homme. Mais il n'a pas touché. Il a la faiblesse que nous. Oui, mais il n'a pas touché. On l'a tenté. Et Jésus lui a donné une réponse. Oui, mais pas la même chose. Il a adoré Dieu. Oui. Il aurait pu te lui dire que, adore-moi, prosterne-toi. Absolument. Il aurait pu te lui dire. Mais il n'a pas dit ça. Mais il n'a pas fait comme ça, là. Il n'a pas dit. Tu sais pourquoi? Il n'est pas venu pour se révéler. Justement, tu sais pourquoi il n'a pas dit? Non. Parce qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il est. Ok. Tu vois, s'il était Dieu, Dieu était bon. Dans ce cas, n'est-ce pas? Il t'a demandé tout à l'heure une question, qu'il t'a dit que Dieu est bon. Tu m'as dit que Dieu est bon. Il est bon. Ok. Tu vois, un jeune homme est venu demander Jésus dans Matthieu. Il a dit qu'il n'y a pas de bon que Dieu. Voilà. Nous, je connais tous vos versets. Justement, je dis que moi, je veux que tu m'expliques clairement. C'est ça qui veut dire. On pose un jeune homme vient demander à Jésus que, bon maître, que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu donc? Oui. C'est en trois trucs. Oui. Il a dit d'abord en Matthieu, en Luc. Non, c'est le même scénario que. Mais justement, mais avec différentes personnes. Oui. Là-bas, c'est avec un jeune homme. Mm-hmm. Là-bas, c'est avec un chef. Là-bas, c'est avec un jeune homme. et qui, un docteur de la loi, trois personnes. Toujours la même réponse, il n'a jamais contredit. Il a seulement dit que pourquoi mon petit don Dieu seul est bon. Ok, je pose la question. Il répète, mais Dieu est bon. Je pose la question, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que Jésus a dû appeler Dieu son Père? Hein? En un seul endroit de la Bible, est-ce que tu crois que Jésus a dit que appeler Dieu son Père? Est-ce que, n'est-ce pas, tu crois que Jésus a prononcé sa bouche que le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi? Tu crois qu'il a prononcé ça? Je ne sais pas, mon frère. Mais j'ai lu dans la Bible. Ah, ok, tu as lu dans la Bible. Est-ce que tu crois donc? Est-ce que tu crois, il veut poser la question. Ça veut dire donc que, alors, si tu commences déjà à me dire que si je ne crois pas, voilà pourquoi il dit que la Bible, même d'abord. Puisque pas. Exactement. Les gens ont écrit des choses, ont donné là à l'intérieur. Ça veut dire que pour la Bible. La partie là, tu ne crois pas, n'est-ce pas? Non. Je vais seulement poser la question. Tu vois encore pour qu'on puisse résoudre. Moi, je crois à la partie là. Tu crois à la partie là? Je crois à la partie. Je pose la question que vous voulez te poser. Pourquoi Jésus appelle Dieu son Père? Hein? Pourquoi Jésus appelle Dieu son Père? Alors que vous dites que Dieu n'a pas besoin d'avoir un fils. Voilà pourquoi il te dit tout à l'heure que notre problème, c'est le fils et Dieu. Comment tu peux parce que d'après la Bible, il dit mon Père. D'après le Coran, il dit mon Dieu. Est-ce que tu peux me... Il a dit... Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Attends un peu. Oui. Non, il y a... la partie là, il n'y en a pas. Comment tu peux donc dire qu'il n'a pas dit ça? Chez nous, tu sais pourquoi on ne dit pas? On ne dit pas parce que nous, on n'a jamais dit Jésus qu'il était Dieu. On n'a jamais dit parce que... Non, jusqu'à présent, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il parle ici au niveau du thème des fils, parce qu'il est en train de prendre le fils en parallèle dans le Coran avec parole de Dieu. Parce que la tribu de Jésus comme parole de Dieu dans la Bible, dans le Coran, c'est exactement la même situation que je trouve dans le Coran en tant que fils. Parce que quand vous entendez fils, tu vois comment il était donné parole de Dieu, tu as les difficultés à expliquer, n'est-ce pas? C'est la même façon qu'on parle de fils, vous comprenez, c'est comme si c'est un blasphème, comme si Dieu a dû venir coucher avec une femme. Ce n'est pas de ce que vous non, pense. L'islam, non, les musulmans non. Non, je voulais dire, n'est-ce pas? Je ne parle pas de ce que le Coran dit. Il dit c'est dans la pensée, c'est comme si Dieu. Voilà pourquoi il dit, au départ, il dit que le Dieu des musulmans, la façon dont je l'approcher, l'aborder n'est pas identique. Parce que chez les musulmans, c'est un Dieu impersonnel qui n'a pas besoin de s'approcher de la création. Il a mis tout là-bas et que les gens vont chercher n'importe comment. Et à la fin, il va les mettre sur la balance. C'est ce que le Coran enseigne. Mais maintenant, chez le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu relationnel. Dieu personnel où quelqu'un peut posséder. Attends un peu. Dieu, pour qu'il soit relationnel, pour qu'il soit en relation avec lui, est-ce qu'il a besoin lui-même de se descendre? Si Dieu ne se révèle pas, tu vas faire comment? Il fallait que lui, il descend en personne, lui-même, il vient enseigner les gens. Attends, il pose la question. Attends un peu. Comment il a fait avec Moïse? Attends un peu. Comment il a fait avec Moïse? D'après le Coran, c'est pas Dieu en personne qui a parlé à Moïse. D'après le Coran, oui. C'est l'ange, personne n'a parlé avec Dieu face à face. Ok, non, j'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de face à face jusque-là, j'ai pas prononcé le mot. Voilà. Avec Abraham. Avec qui a parlé avec Abraham? Justement, il y a toujours intermédiaire entre eux deux. Qui a parlé? C'est toujours Dieu. Dieu parle à ange, ange vient parler à Dieu. Que le Coran, mais c'est toujours, raconte. Justement, lui. Mais Jésus, dans la Bible, dans le Coran, la Bible, Dieu a donné, il a fait descendre l'indice sur Jésus directement. Il a dit clairement que c'est Dieu qui l'a parlé. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre Jésus-Christ et Dieu. Il y en a. Où ça? À partir de sa naissance, même d'abord, essayons d'abord de comprendre. Oui. Dieu a envoyé. D'après le Coran. D'après la Bible. Dieu a envoyé l'ange, oui. De dire à Joseph et à Marie, oui. Il a envoyé l'ange. Ok. Jésus a comment? Il est maintenant, il a parlé d'après le Coran, oui. Il a parlé. Qui vient lui dire de lui parler? L'ange vient toujours lui dire parce que personne ne le voit. L'ange vient lui dire, fait le truc, il parle. Il voit, mais nous ne voyons pas. Il parle. Donc c'est comme ça que le Coran. Justement, parce que l'ange, quand le truc vient, lui il entend la voix, mais il ne voit pas la personne. Mais il y a des moments que l'ange, comment dirais-je, se transforme toujours en être humain pour venir voir les prophètes. Il y en a ça. Bon, si par exemple que Dieu a envoyé, on dit que Dieu a envoyé de venir dire à Marie. Et pour le cas de Jérémie que tu as cité tout à l'heure, là, c'est Dieu qui est venu, Dieu qui a parlé à Jérémie directement, ou c'est un ange qui a aussi parlé. Je t'ai dit que personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Non. Personne n'a parlé avec Dieu contact. C'est-à-dire que lui, face à face, qu'on est en train de causer. Il y a toujours un intermédiaire entre eux. C'est ce que la Bible enseigne. Même le Coran enseigne. C'est ce que le Coran enseigne. Justement. Il dit qu'il n'y a jamais. Mais tu m'as dit tout à l'heure que Mohamed est allé durant le 7e siècle avec Dieu. J'étais dit, juste il y a un parti pour la prière, le saint prière. Mais le problème, c'est que. C'est la dernière mission que j'ai. Oui, mais il n'y a pas de problème, mais quand même, voilà. Il est parti juste à la partie là. Il est parti avec un ange. Maintenant, arrivé à la partie là. L'ange l'a laissé. L'ange a dit que moi, je n'ai pas le droit de. Il a traversé le prophète. Le prophète, c'était. Abraham. D'après le Coran. Oui. Il a traversé même Jésus, tous les prophètes, il a vu le prophète, le prophète, en descendant donc avec la prière. Non, tu as brûlé les étapes, tu as dit qu'il est descendu. Allons-y là où il a pris la prière. Il a pris la prière à qui? Il a prié à Dieu. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un être humain qui a rencontré Dieu. Justement, c'est lui seul. Voilà pourquoi j'ai dit. Donc ça veut dire que Mohamed est le seul qui a rencontré Dieu. Propre. Hein? Propre. D'après le Coran. D'après le Coran. Ok, mais je pose la question. Mm-hmm. Quand Jésus-Christ se baptise, qui parle à Jésus? C'est toujours l'ange qui parle. C'est ce que la Bible dit. Oui. C'est là ce que la Bible dit. La signification ici, là, qui dit que entre Dieu et les hommes, d'après toi, intermédiaire, c'est qui? Intermédiaire, entre qui et qui? Voilà, on dit qu'il y a un seul de, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Homme. On a placé Jésus, homme. Okay. Il est la partie d'homme. Okay. Maintenant, Dieu est Dieu. Okay. Et l'intermédiaire, c'est qui? Ok, ça veut dire que si on fait la mathématique, n'est-ce pas? Alors, si l'homme est ici, Jésus est ici, et il y a Dieu ici, alors forcément, Jésus-Christ a une relation avec Dieu. Alors forcément, Jésus a une relation avec Dieu. On ne dit pas que non, Jésus a une relation avec Dieu, mais toujours en passant par l'ange Gabriel. Comme l'ange est venu lui dire. Est venu dire à Samuel. Oui. Non, l'ange est venu dire à Samuel. L'ange Gabriel n'a jamais parlé à Jésus. Justement, c'est la même chose qu'il fait. Il continue toujours à parler. Non, on ne peut pas tirer une conclusion. Regarde, je te le dis ici, n'est-ce pas? L'ange Gabriel a parlé à Marie, n'est-ce pas? Par rapport à la naissance de Jésus. Si. Mais il n'y a aucun verset là-bas qui dit que l'ange a parlé à Jésus-Christ par rapport à sa mission. Justement, j'ai dit, n'est-ce pas? Oui. Si Jésus. Jésus a dit sa propre vision. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce qu'il doit dire. Ce qu'il doit dire. Si Jésus avait vu Dieu de ses propres yeux, il aurait pu te expliquer comment Dieu était. Mais il n'a jamais dit. Non, la mission n'est pas venue expliquer Dieu. Justement, il a posé des questions. Ok, Mohamed, je pose la question. Mohamed qui a donc vu donc Dieu, il a fait ça. Il n'a jamais expliqué. Ça veut dire que voilà, Mohamed qui a vu. Attends un peu. Tu dis que si Jésus avait vu Dieu, il aurait expliqué. Excuse-moi, j'ai fait un petit truc ici. Mohamed n'a pas vu Dieu. Je n'ai pas dit que Mohamed a vu Dieu. J'ai dit que Mohamed, c'est lui seul qui a parlé avec Dieu. Il a parlé donc comment? Il a parlé en voyant quoi? Justement, Dieu est là, il parle avec Dieu, mais sans le voir. Parce qu'il a laissé quand même l'ange derrière. Il dit que bon, voilà Dieu devant, on va poser avec Dieu. Il est arrivé, Dieu était esprit, il est comme un vent, tu vas voir un vent quoi. Oui, d'après toi, tu vas voir esprit comment. Donc, voilà le problème. Un vent, voilà le vent. L'ange est comment? L'ange est esprit, c'est l'ange. L'ange est chez où esprit? L'ange que tu. L'ange. Oui. L'ange. Oui. Nous, les hommes, nous ne voyons pas l'ange. Oui. Mais pour venir, il fait comment? Hein? Mais pour parler un homme, il prend la forme humaine. Il prend la forme humaine. Donc ça veut dire initialement il est quoi? Hein? Il est toujours esprit. Ok. On ne le voit pas. Ok. Mais là, ça veut dire juste ici. Comme l'ange est esprit et tout se fait voir, il se voit sous la forme humaine. Dieu peut le faire parce que il y a un principe. Dieu ne peut pas faire. Tu sais pourquoi? Ok. Hein? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est totalement parfait. Attends un peu. Dieu ne peut pas faire. Tu sais pourquoi? Non. Je prends un exemple d'un président. Oui. Un président qui est là, avec tous ses armées, machin, tout. Est-ce que tu as déjà vu un jour un président est descendu d'aller faire quoi que ce soit ou bien aller combattre, aller faire la guerre et pourtant que ses armées sont là? Prenons il y a un problème. Oui, prenons le cas de Mohamed. Non, Mohamed était le chef, mais il allait en guerre. Hein? Mohamed était le chef. Il allait en guerre. Oui, il allait en guerre. C'est sa mission que Dieu lui a donnée. Exactement, comme un président a sa mission, exactement. Il y a l'autorité, il y a les généraux de guerre qui doivent partir. Donc, tu peux prendre ce cas-là pour appliquer ici. Là. Je dis, je parle un exemple, réponds-moi tout simplement. Non, je dis, pourquoi alors un président n'est allé jamais comme Barack Obama ou bien George Bush n'est jamais allé en Irak? Sa mission, aller ne permet pas Bonaparte. Et pourtant qu'il a ces gens. Bonaparte, en 1800, quand il est allé au Yémen, à Sanaa, pour découvrir les parchemins de 1328 de l'ancien Coran de Haute-Manla. Bonaparte était un homme de guerre. Parce que la constitution lui permettait de le faire. Voilà, on ne peut pas quitter aller à la guerre parce qu'il y a une armée pour cela. Justement, voilà pourquoi nous aussi nous disons que Dieu ne peut pas aller parce qu'il a pris des anges, il a des milliers et des milliers des anges. Qui peut aller combattre la terre? Attends, comment il a fait pour détruire la terre de Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe. Oui. Tu veux qu'il explique d'après la Bible ou d'après le Coran? En tout cas, explique comme tu veux. D'après la Bible, il est venu sur la place. Hein? D'après la Bible, lui en personne. Il est venu, j'ai trois. Lui en personne. Oui, il était là. Ok. Tu peux lire. Dieu ne vient jamais. Dieu a envoyé l'ange. Dieu a envoyé l'ange. L'ange a pris comme ça avec sa main. Pourquoi? Elle a toute la terre entière. Il a pris comme ça. Il a bouleversé. Voilà pourquoi il a détruit tous ces gens. Ça, c'est la tradition musulmane. C'est pas écrit dans le Coran comme ça. Justement, c'est un problème. Comment se fait-il que, n'est-ce pas, le Coran est parfait? Vous allez prendre quelque chose à l'intérieur, à l'extérieur, qui n'est pas écrit dans le Coran. Alors, le Coran, c'est toujours les hommes qui ont écrit. Si tu dis que ça veut dire que même le Coran, on ne peut pas. Allons sur la base, que, n'est-ce pas? Allons sur la base que la parole. Le Coran, c'est les hommes qui ont écrit. Quoi? Le Coran. Non, le problème, c'est que on est d'accord que ça, c'est la parole de prophète Mohamed. Que l'ange dit à Mohamed qu'il récite la sourate, il récite maintenant les gens écrits, n'est-ce pas? Admettons que c'est la parole de Dieu. Où est-ce que tu peux apprendre que l'ange a pris la terre bouleversée? C'est pas écrit dans le Coran. Justement, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que pour comprendre, parce que comme c'est écrit en arabe, moi je ne comprends pas l'arabe. Oui. Moi, je comprends pas. Tu vois pourquoi on peut manipuler maintenant avec ces histoires-là, n'est-ce pas? C'est quand on peut manipuler aussi également. Là-bas. Non, c'est écrit en français. Justement, est-ce que. Attends, oui. On a écrit en français, la Bible n'a jamais été. Jésus n'a jamais. On n'a pas le premier. La première Bible n'a jamais été en français. J'ai la Bible en grec, en hébreu et en français. Tu connais l'alphabet hébreu? Absolument. Et grec, hein? Tout est ici devant moi. Ok. Je vais savoir. En prenant un mot, par exemple, ça va dans le grec, ça veut dire, par exemple, le consolateur, ça veut dire paraclet. Je suis sûr que tu connais, grec, que ce soit hébreu. Oui. Mais je peux jurer avec la Bible qui est entre mes mains. Tu ne peux pas connaître tout hébreu, tout grec, comme tu as connu la Bible. En français. En français. En français, oui. Hein? Oui. Pourquoi cela donc? Parce que, n'est-ce pas, Dieu n'a pas besoin d'une langue spéciale pour qu'on puisse le connaître. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, Dieu a une langue spéciale dans l'islam. Il dit qu'il a, Si cette langue est donnée, n'est-ce pas, pourquoi toi qui es musulman, tu ne vas même pas comprendre même ta propre langue, les Dieu même dans ta propre langue. Et on a besoin des hadiths et des sunnahs qui est extérieur au Coran pour comprendre, si Dieu veut que tu comprennes. Moi, je fais les études toujours, oui. On m'explique toujours en arabe. Parce que ça c'est. Mais l'explication qu'on donne là, c'est l'explication qui est sortie hors du Coran. C'est ça que je veux qu'on s'entende sur ces points-là. Le Coran est donné, n'est-ce pas? Le Coran est donné. Les 114 sourates du Coran sont données. Les 6666 versets du Coran sont donnés. Voici le Coran. Pourquoi prendre encore? Mais il y a une chose, c'est pas tout le monde qui utilise les autres. Il y a les gens qui utilisent comme ça directement. Ils t'expliquent sans toutefois aller vous regarder dans l'autre. Mais si c'est pas écrit ici que la terre a été bouleversée, il ne pourra pas prendre ça quelque part. S'il le dit et que c'est pas écrit, alors il a lu quelque part. Ces gens-là, les spécialistes du Coran, les ulémas et autres là-bas, lisent le Coran, ils lisent les sunnahs et les hadiths. Mmh. On est d'accord. Donc, l'explication qu'on va donner, c'est en fonction des sunnahs. Attends un peu, si je comprends bien pour toi, donc, on n'utilise pas l'explication des hadiths, les hadiths par exemple, on utilise rien que. Parce que quand tu vas prendre les hadiths, quand tu vas sortir hors des hadiths, tu vas aller prendre les hadiths, je vais prendre une autre hadith, que c'est la même personne qui a pris le hadith Boukhari, tu vas dire que non, ici là, c'est pas, on rejette ceci. Pourquoi? Parce que c'est du temps, parce que selon les écritures, selon les différents courants, tu vas dire que non, ici on rejette ceci. Mais le problème, c'est que les savants, eux, ils savent que ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. L'être humain là, qui lui a donné l'autorité? Il n'est pas un prophète. Qui lui a donné l'autorité? L'autorité d'écrire. De dire que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Justement, et ceux qui ont écrit là, qui les a donné l'autorité également. C'est la question qu'il pose. Au moins, Mohamed, on peut savoir que le Coran est là. Mohamed n'a jamais écrit. Mais il était son vivant. Oui, il n'a pas donné. Jamais écrit. Ses compagnons étaient là. Justement. Justement. Donc, on peut encore comprendre que Mohamed étant physique, les quatre compagnons étant là, on peut encore comprendre qu'ils ont, il est en supposant qu'ils ont repris fidèlement ce que Mohamed leur disait. Parce qu'il les faisait répéter, sauf qu'ils savaient que ce qu'il a dit était ça. N'est-ce pas? Mais maintenant, 200 ans après, les êtres humains viennent écrire quelque chose en disant que ce prophète qui a dit que j'ai entendu que le également dit. Également c'est la même chose que la Bible. Ok, maintenant si on prend le par rapport à la Bible, je vais te dire un truc. Non, par rapport à la Bible, le Paul que tu entends, le Paul que tu entends, c'est un Paul païen, c'est pas un Paul, c'est pas le vrai Paul, que le Paul qui était avec Jésus. Non, Paul n'a jamais attends un peu Paul n'a jamais été avec Jésus. Voilà quelqu'un qui était avec Jésus, qui a écrit la Bible, donne-moi son nom. Il était avec Jésus, Pierre, il a marché avec Jésus, il a écrit Pierre, il a écrit la Bible. Pierre. Ok. Le Pierre, celui à qui Jésus a donné quelque chose. Ok. Le Pierre que tu parles là, c'est pas le vrai Pierre que. Parce que regarde, il y a toujours. Non, prouve-moi. Ils n'ont pas de déclaration. Tout ce que tu dis chaque fois, tu dis qu'il a dit. C'est toujours, il y a une manipulation toujours. Le vrai Jean qui était avec Jésus, n'ont jamais écrit la Bible. Les vrais gens. Les gens qui étaient avec Jésus. Ils n'ont jamais écrit la Bible. Prouve-moi donc. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus, ils n'ont jamais écrit la Bible. Je sais te dire maintenant que les vrais gens qui étaient avec moi n'ont jamais écrit le Coran. Justement. Mais pourtant, il y a Ousmane, il y a. Comment ça s'appelle? Il y a Ousmane, il y a Othman, et puis il y a Abaka qui ont écrit. Justement, voilà, moi j'ai dit c'est le proche compagnon. Donne-moi toujours un seul, tu as dit Pierre. Il a écrit un Pierre, regarde bien le titre, il est introduit en écriture. Donne-moi quelque chose qui est intéressant là-dedans, comme il a dit. Ok. Dans Pierre, quelque chose de bon. Non, ne t'inquiète pas, venez même il écrit, il lit un Pierre. Je vais d'abord lire le titre, l'introduction, ce qu'il a donné comme introduction. Et il y a Jacques, même son frère. Donc, il dit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés parmi les sociétés, d'accord? Maintenant, au chapitre, ça c'est le chapitre 1, le verset, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, et qui étaient en eux, qui étaient attestés que d'avance que les souffrances de Christ. Donc, ça veut dire que Pierre dit que même les prophètes avaient déjà dit que Christ devait souffrir. C'est que le Coran rejette clairement. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais que c'est pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses. D'accord? Maintenant, il dit, c'est pourquoi, saignez les règnes de votre entendement, soyez sauves et avec, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Non seulement qu'il prêche là, s'il m'arrête seulement là-bas, que Jésus-Christ a été prophétisé dans les prophètes qu'il devait souffrir. Maintenant, il dit aux gens que tenez ferme parce que bientôt il va revenir. Voilà ce qu'il dit. Jésus a souffert maintenant. Oui. Il a souffert. Non, tu voulais parler par rapport à l'apôtre, celui qui a été avec Jésus. Tu as dit qu'il n'avait pas écrit. Qu'est-ce que tu voulais par là dire? Ok, ça va, tu m'as monté, non? Uh-huh. Ouais. Maintenant, c'est pour dire ceci, n'est-ce pas? La partie, attention. Attends, la partie là, moi je suis d'accord parce que tu m'as monté, tu m'as prouvé, tu m'as dit que c'est Pierre. Uh-huh. Moi j'ai dit que la partie qui est bonne, moi je ne dis jamais non. Uh-huh. La partie qui est bonne, parce que tu m'as monté la Bible. Je n'ai pas écrit la Bible ni toi. Oui. Nous avons trouvé. Uh-huh. Ok. Maintenant, comme tu as donné un verset que même les prophètes ont dit que Jésus était, il devait souffrir. Je parle maintenant, n'est-ce pas? C'est qu'il a dit maintenant. Mm-hmm. Je peux rentrer dans la Torah et te montrer les versets où les prophètes ont dit clairement qu'il devait souffrir. Il devait souffrir. Ok. Non, je suis d'accord. Mm-hmm. Mais maintenant, je reviens toujours dans la mort de Jésus. Oui. Ok. Est-ce que tu sais que la mort de Jésus, avant que Jésus ne vienne, comment on appelle le chef qui était à, le chef de village de Jésus là, le chef de Bethléem, Hérode. Ok, Hérode. Mm-hmm. Hein? Il a entendu qu'il y a un fils qui va sortir dans son village, il va le faire tomber le truc. Mm-hmm. C'est à partir de là qu'on voulait toujours tuer Jésus. Mm-hmm. Lorsque on a commencé à coucher les gens, mm-hmm. on a commencé à tuer. Dieu a dit à sa maman que quand l'enfant allait en Égypte. Mais ça, ce que tu as dit là n'est pas écrit dans le Coran. Hein? Ce que tu as dit là n'est pas écrit dans le Coran. Je suis en train d'expliquer d'après la Bible. Ok. Donc, regarde, chaque fois que je vais parler, il faut parler selon la Bible. J'ai dit d'après la Bible que je suis en train d'expliquer. Ok. Va en Égypte. Mm-hmm. Hein? Dans la Bible, d'après d'abord la Bible, Jésus, avant que Jésus ne vienne même d'abord, le roi voulait le tuer. Oui. Et lorsqu'on a arrêté Jésus, bon, revenons maintenant. Quand il est grand, on lui a déjà arrêté. Oui. Bon, pour l'arrêter, on dit que sa mort est bien. Mm-hmm. Il a sauvé l'humanité, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pourquoi est-ce que il a fallu que quelqu'un le trahisse? Mm-hmm. Et il fallait qu'il ne vienne pas de lui, mais il dit que bon, alors, comme ça, la mort est bien, je viens mourir, c'est bon pour sauver les gens. Mm-hmm. Et les gens qui l'ont tué, normalement, devaient avoir une récompense. Mm-hmm. Et pourtant, les gens qui l'ont tué n'ont jamais de récompense. Mm-hmm. Tu vois, non? Mm-hmm. Je n'ai pas fini. Mm-hmm. J'en viens. Ok. Lorsqu'on a arrêté Jésus devant tout le monde entier, le roi a arrêté Jésus comme ça devant tout le monde entier. Mm-hmm. Il dit que moi je ne vois aucun crime que cet homme a commis. Ah, exactement. Est-ce que tu sais qu'on a tué Jésus parce qu'il y avait un petit vote? Parce que il y a eu un petit vote à ce temps-là. Non, vous voulez dire la sanction qui a fait qu'on le tue, qu'on le livre. Voilà. Oui, un vote à ce temps. Ok. Mais pas à cause de la vote. Sa mort même c'est par rapport à ça. Si on avait dit que nous on le libérait, on ne le tuait pas. Uh-huh. Hein? Uh-huh. Tu vois non? Oui. Les gens disent que non, il a blasphémé, tué le. Voilà, blasphémé, il a tué le. Mm-hmm. D'après la moi, Bible. D'après la Bible, moi, je vois, c'est par rapport à ça qu'on a tué Jésus. Mm-hmm. Tu vois un peu? Mm-hmm. Tué le, on lui a arrêté. Il dit que bon, comme on veut le tuer, maintenant, tué-le, on lui a tué. Je te pose la question. Hein, pose-moi la question. Maintenant, je prends ce même scénario pour aller dans le Coran. Mm-hmm. Étant dans le berceau, il dit que Père soit sur moi le jour où je naquais. Le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Il est né. Qui? Jésus. Ils disent pas, il est prophète. Il est prophète. Nous avons sur la base, d'après le Coran, qu'il est prophète. Un prophète ne peut pas mentir. Mm-hmm. Il dit, paix soit sur moi. Paix soit sur moi. Quand on parle pour Yahya, on a dit que la paix soit sur lui le jour. Tous les prophètes en prêtent, on le dit, n'est-ce pas? Jésus dit dans le berceau de Nassé, dans ce surat d'Iram là, il dit clairement que paix soit sur moi le jour où j'ai naqué, le jour où je mourrai, le jour où j'ai ressuscité. Mm-hmm. Comment il est né? Et maintenant, et c'est ce qui est bien maintenant dans les religions musulmanes que j'ai lues. Élevé à moi, dans les traductions, on voit clairement qu'on peut élever quelqu'un à lui sans qu'il passe par la mort. Mais comment? Est-ce que tu sais que d'après le Coran, Jésus n'a jamais été mort? Je suis allé dans le Coran pour vous montrer quelque chose. Bon, d'après le Coran, Jésus n'a jamais été touché. Ok, maintenant, oui, non, je ne sais pas. Non, il n'est pas mort. Mais t'inquiète pas, mais la partie que tu as parlé là, il a parlé d'après sa mort, la mort qui va venir. Ne t'inquiète pas. D'après le Coran, ne t'inquiète pas. Jésus va revenir, il va finir sa mission et il va encore mourir. Il va mourir pour la dernière. Pour la dernière. Ça, c'est d'après le Coran. Ok, maintenant, Jésus dit. Père soit sur moi le jour où j'ai naqué, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Il fait sa mission. Mm-hmm. Il n'y a aucune mission dans cette parole-là qui dit clairement qu'après sa mission, il sera enlevé. Mm-hmm. Il n'y a aucune mission. Mm-hmm. Il est venu pour faire une mission, mm-hmm. mourir, après quoi Dieu va le ressusciter. Mm-hmm. Et il va l'élever vers lui. Mm-hmm. Et quand il dit qu'il va élever vers lui, mm-hmm. il dit qu'il va placer ceux qui le suivent au-dessus de ceux qui ne le suivent pas mm-hmm. jusqu'à là. Ce sont les qui, parce que la partie là intéressante. Je veux que tu me donnes le chapitre de ce verset. Oui. Voilà, Warasuran, il a banni Israël. Oui. Dieu a fait Jésus un messager pour les enfants d'Israël. Oui. Ce sont les Juifs, les Israélites qui ont cru en Jésus. Dieu va le faire au-dessus de ceux qui ne l'ont pas cru. Non, ce n'est pas écrit de ceux qui ne l'ont pas cru. On dit c'est écrit de ceux qui ne croient pas. Oui, pas, justement. Le temps du verbe est important ici. Parce que quand tu dis que de ceux qui n'ont pas cru, c'est parce qu'on a la fin de sa mission. C'est tous ceux qui ont cru là, c'est ça qui est question. Or, le verbe qui est écrit là-bas, c'est au présent. Il a dit de ceux qui ne croient pas. C'est différent de ceux qui n'ont pas cru. Ça veut dire que, et il a dit que jusqu'au jour de la résurrection. Or, si quelqu'un a cru et qu'il est mort, c'est jusqu'à la résurrection qu'on va le retrouver. Or, ça veut dire que tant que le message de Jésus-Christ subsiste, si quelqu'un croit à la résurrection, il sera au-dessus de celui qui ne croit pas. Donc, le temps du verbe est clair. Voilà. Prenons exemple dans Jean 14, par exemple, verset 1er. Oui. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place. Oui. Parce que quand il partait, il disait toujours à son peuple. Il ne disait pas à toi et à moi, à son peuple. Voilà pourquoi lorsque... Non, il ne parle pas au peuple, pas à ses disciples. Le peuple ne rejette pas. Ils m'ont rejeté, mais vous m'avez connu, il m'a dit à vous. Mais est-ce qu'il y a plus de 6000, 8000 juifs qui ont cru en Jésus? Oui, donc voilà les moi, disciples. Je parle toujours aux gens. Jésus lui-même, il parle à ceux qui l'ont cru. Absolument. Que ce soit ses disciples, tous les gens qui sont le cru. Il dit maintenant aux gens qui l'ont cru. Je m'en vais vous préparer une place. Oui. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre pour que là où je sois, vous aussi vous y soyez. Oui. Plusieurs places. Ok, je pose une question. Il dit qu'il a plusieurs places, mais il en a une seule place. Et le reste, c'est des places. C'est pour les qui? Il dit quoi? Il dit encore la question. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une seule place. Non, il n'a pas dit une seule place. Ça veut dire qu'à chacun de vous, il m'avait préparé une place. Tu viens de vous chercher? Non. Mais comment tu peux dire? Jésus dit, voilà pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas? Oui. L'islam nous a dit que Dieu a envoyé les prophètes. Le jour de la résurrection, tous les prophètes vont venir rendre compte à Dieu. Donc, Abraham va venir avec son peuple. Oui. Jésus va venir avec son peuple. Le peuple d'Abraham, c'est quel peuple? Hein? Le peuple d'Abraham, c'est quel peuple? Le peuple d'Abraham. C'est le juif ou c'est qui? Le peuple d'Abraham, que ce soit juif, tout, moi je ne sais pas, mais il dit le peuple, mais il avait le peuple qui l'ont cru. Mais il avait le peuple, non? Mais ce qui veut dire, c'est ceci. Attends, il n'avait pas le peuple. Oh, voilà, il faut qu'il écrisse encore quelque chose. Est-ce que Abraham a écrit, il y avait un message de Dieu pour aller prêcher? J'ai dit, Dieu n'a pas envoyé Abraham. Envoyé pour faire quoi? Dans son peuple, d'aller dire que repentez, vous croyez en moi, ne prenez pas, ne faites pas le truc là. C'est ce que le Coran dit. La Bible n'avait jamais dit comme ça. La Bible nous dit clairement dans cette Genèse-là que Dieu a dit à Abraham que sors du milieu de ton père et pas dans un pays qui est éternel. Point. Parce que la Bible dit. C'est que vous avez reçu dans cette sourate 101 là, par rapport à Abraham, c'est par rapport à le Talmud que vous avez pris là. Donc si tu vois, si on parle de l'origine des révélations de Mohamed, on va toucher le Talmud. C'est pour ça que tu vas voir. Ok. Dit. Attends un peu. Tu as dit que Dieu a dit à Abraham de quitter seulement de partir. De son père. Et pourquoi alors on voulait arrêter Abraham pour le tuer, tout ça, ce chose. Non, c'est par rapport à sa femme tout simplement. Hein? Par rapport à Abraham, c'est parce qu'il allait dans un pays où sa femme était belle. Le roi voulait prendre. Il a dit à sa femme que c'est par exemple, que je suis mon frère, tu es ma soeur, pourquoi on me traite bien? Sinon on va m'arrêter, sinon on va me tuer. Tout simplement. Donc il n'est dit nulle part ici que Abraham a fait. À enseigner quoi que ce soit que Dieu a donné. Parce que chaque fois, je lis dans le Coran, je vois comment on dit que nous avons fait descendre sur Abraham les livres, sur Ismaël, sur Jacob. Je voudrais bien savoir où est le livre que Dieu a fait descendre sur Jacob. Il y en a. Ismaël. Il y a toujours. Où ça? Il y a toujours les livres. Parce que, regarde, il y a tous les livres que. Comme la religion musulmane reconnaît au moins 124 000 prophètes, ça veut dire que les 124 000 prophètes là ont chacun son livre. Non, les 124 000 n'ont pas tous les livres. Il y a les prophètes que Dieu les envoie avec les livres. Oui. Il y a les prophètes que Dieu les a envoyés avec la bouche. Ok, le livre de Moïse et de Abraham est où? Hein? Le livre d'Abraham. Il y en a, moi je n'en ai pas. Comme tu m'as dit l'autre jour, il y a les gens qui ont les vignes. Oui. Mais à l'heure actuelle, nous vivons dans une époque que. Maintenant, on pratique une autre chose. C'est comme si Dieu a dit que. Il y a des gens qui détiennent encore le livre d'Abraham. Il y en a toujours. Ok, maintenant, si ceux-là croient, ils vont faire comment? Puisque les pauvres d'Abraham est parti, vous avez dit que Mohamed est venu accomplir tout. Mais maintenant, alors, Dieu a changé. Dieu maintenant a changé. De Mohamed. C'est Mohamed qui coiffe tout. Maintenant, c'est dit que c'est Mohamed, c'est pas lui, tout l'humanité. Tout ok, entier, mais la question maintenant qui est bonne, c'est que, comme tu dis qu'il y a des gens qui ont le livre d'Abraham. S'ils croient en le livre d'Abraham, ils seront sauvés. Non, maintenant, tu n'as pas le droit de croire à Abraham. Absolument. Les gens qui l'ont cru avant, à son temps, j'ai dit, je parle toujours à son temps. À son temps. Tu ne peux pas dire que maintenant, je vais croire en Moïse, pourtant que Moïse a fait le temps. Non. Ok. Tu crois toujours à la. C'est bien. Autre question maintenant, tu as dit que d'après Et c'est ce que l'islam enseigne. Mm-hmm. D'après le Coran, il n'y aura plus de prophètes. D'après le Coran, il n'y a plus. Mohamed, c'est le dernier prophète. Oui. Quand Jésus vient la prochaine fois, il est quoi? Jésus est toujours prophète. Non, mais il va revenir, non? Il va revenir en tant que. Mais revenir ne veut pas dire qu'il va venir comme il n'a jamais été. Il était quand même. Non, je comprends. Oui. Je suis d'accord. Mm-hmm. Le Coran enseigne que Mohamed, c'est le dernier prophète. Propre. Et donc, ce même Coran enseigne que Jésus va revenir. Parce que d'après vous, c'est pour esquiver le fait qu'il soit mort. Mm-hmm. Parce que vous dites qu'il faut. On n'esquive pas. Parce que regarde, Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas besoin de faire tuer qui que ce soit. Mm-hmm. Il peut faire tuer peut-être un bête. Mm-hmm. C'est l'exemple qu'il a montré à l'Israël. Mm-hmm. Il a dit que non, moi je ne peux pas faire mourir un être humain parce que j'aime les hommes. Mm-hmm. Pourquoi Dieu, qui est amour, qui aime tout le monde, il prend son propre fils? Il donne pour qu'on le tape, on le lave. Pourquoi c'est Dieu qui est amour, donc disons qu'il faut qu'on tue les mécréants. Hein? Quand tu le mécréant, on le casse le cou. On le casse le cou, pourquoi? Il y a pourquoi, parce qu'on refuse toujours de prendre. Donc quand Dieu est amour, Dieu est tellement amour. Dieu ne peut pas donner son propre fils, comme vous le dites, son propre fils. Mais ce que c'est. Tout le monde aime son fils. Tout le monde aime son fils. Dans ce cas, pourquoi Abraham quand Abraham a aimé son fils, pourquoi il a donné à Dieu? Il fallait qu'il refuse, puisque tout le monde. C'est Dieu qui lui a dit, parce qu'il a posé la question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour te remercier de l'acte que tu m'as fait sortir là. Dieu lui a demandé son fils. Pour voir les dégâts. Dieu s'attend que tout le monde ne peut pas donner. Hein? Justement, parce qu'il sait que personne ne peut donner son fils. Abraham lui a fait, mais il a encore calmé. Il a dit que non. Ok, si Abraham était un être humain, a pu donner ainsi, pourquoi pas Dieu ne peut pas donner? Dieu ne peut pas donner. Dieu ne peut pas donner. Mais parce que c'est pas Dieu qui a fait le problème. Ok. Attends, s'il te plaît, il y a une question. Tout à l'heure, on a parlé de l'unicité de Dieu. On arrive. Tu dis encore que Dieu a donné. Ne t'inquiète pas. Son fils. Ne t'inquiète pas. Hein? Voilà pourquoi il parle. Je veux donc savoir que c'est Jésus qui a donné lui-même ou bien c'est Dieu qui a donné. Le problème maintenant, c'est au niveau du nom. Au niveau du nom. Le nom Jésus, le nom qu'il a pris. Dans la théologie humaine, quand un être humain est ici, il faut qu'on donne un nom. On est d'accord? D'accord. Ok, attends, avant de continuer là-bas, il y a une question qui est posée ici tout à l'heure. Le Coran dit que Mohamed c'est le dernier prophète. Propre. Jésus-Christ n'est plus sur la place. Donc, Mohamed est venu après Jésus. Et d'après toujours le Coran, Jésus-Christ va encore revenir. Il va revenir. Il sera toujours prophète ou il ne sera pas prophète? Il sera toujours prophète. Y a-t-il pas contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Ah. Écoute, tu sais pourquoi il n'y a pas de contradiction? Non. Parce que. D'après le Coran, oui. Au jour de résurrection, oui. Jugement dernier, Dieu va demander à Jésus que c'est moi qui t'a envoyé d'aller dire aux gens de t'adorer. Il a dit non, s'il avait fait, tu devais savoir. Voilà, il dit que moi, mon Seigneur, toi tu sais tout. Si c'était moi qui avais dit, tu le savais. Je ne suis pas un associateur. Voilà. Donc, c'est ce que le Coran dit. Dieu n'a jamais dit à Jésus d'aller lui dire que moi je suis Dieu. Et lui, Jésus n'a jamais dit que moi je suis Dieu, adorez-moi. Il a dit seulement, oui, le chemin. Je suis d'accord. Bon, mais lorsque Jésus va venir maintenant là, oui. Jésus va revenir pour suivre la religion de Mohamed parce que c'est lui le dernier. Ah, il va maintenant regarder. Je pense que finalement, ça veut dire qu'il y a un autre prophète qui vient après Mohamed alors. Hein? Ça veut dire qu'il y a un autre prophète encore. Il est toujours, il dit qu'il va revenir, il va toujours entrer dans la mission de Mohamed. Juste après Mohamed. Je veux qu'on soit clair. Ça veut dire qu'après Mohamed, il y a un autre prophète encore, Jésus qui vient. Il va venir, mais toujours à la mission de le prophète. Mais dans ce cas, on est d'accord quand même qu'il y a un autre prophète qui va venir en dehors de Mohamed. Quand on dit venir, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui n'était pas encore venu. Mais Jésus était là, oui. Comment tu veux dire ça? Parce que d'après le Coran, il est le dernier père. Il y aura jamais de prophète qui va venir. Mais sauf Jésus va revenir. En tant que père, donc ça veut dire qu'il va revenir. Mais il vient toujours continuer seulement sa mission. C'est-à-dire qu'il est compté comme s'il était avant, s'appelle Mohamed. Attends un peu. Oui. Avant de revenir, n'est-ce pas, oui. Il sait déjà l'islam, parce que l'islam lui-même il connaît déjà l'islam. Okay, c'est toujours même personne. Si le Coran est parfait et que l'islam est de dernier et complet, pourquoi il doit encore venir alors, puisque tout est complet, que Dieu a tout donné? Pourquoi il doit encore venir? Mais c'est Dieu même lui-même qui a voulu que Jésus revienne. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses que Dieu a voulu que c'est Jésus qui va faire. Il y a des choses que Dieu. Comme quoi, par exemple, tu aimerais bien que tu me dises, tu m'expliques la deuxième mission de Jésus. Ok, la mission que Jésus va venir maintenant sur cette terre, c'est venir maintenant combattre à ceux gens comme vous qui l'adorent là. Il va venir le combattre et le détruire. Là, vous montrez que non, n'adorez pas, mais adorez plutôt comme ça. Okay, voilà, mais dans ça, il y aura encore des gens qui vont dire que non, c'est pas lui le Jésus là. Le Jésus là, c'est pas ça. Il y a les autres qui vont le croire. Quelle est la différence entre le Jésus dont tu as parlé et le Mahdi? Hein? Quelle est la différence entre le Jésus là et le Mahdi? La mission de mardi est différente de la mission de Jésus. Entre mardi et Jésus qui vient avant. Entre mardi et Jésus qui vient avant. C'est le mardi qui vient avant. Oui. Jésus vient après. Ok. Le mardi a quelle mission? Le mardi a quelle mission? Vous voulez dire ceci, n'est-ce pas? Mardi n'est pas un prophète. Là, je ne sais pas. Mardi n'est pas un prophète. Ok. Donc, il vient faire quoi? Vous voulez dire d'après le Coran, il vient faire quoi? Je veux que tu vois quelque chose qui a un problème là-bas. Je veux que tu vois qu'il y a un problème. C'est, toi, je comprends que c'est comme si toi, tu es en train de critiquer Dieu. Ou bien, tu es en train de dire à Dieu que c'est quand Dieu donne ses lois, tu dis que toi et moi, on a dit quelque chose. Toi, Dieu, c'est toi qui as dit qu'on regarde par rapport, on compare les enfants. C'est toi qui as dit comme ça. Non, il ne parle pas par rapport à ceci. Il dit ceci. Voici Mohamed. D'après le Coran, d'après l'enseignement du Coran, il est le dernier. Mais subitement, il y a une faille encore. Il y a un prophète qui est encore venu. Jésus. Est-ce qu'il va encore s'appeler Issa? Ça, c'est un point d'interrogation. Dans cette autre question maintenant par rapport à toujours Issa. Ce nom ne change jamais. Comment il va encore entrer dans un ventre pour naître? Non. Il va être. Mon frère, d'après l'islam, n'est-ce pas? Oui. Dieu lui a pris. Comme il est parti, c'est comme ça que la même manière que Dieu va revenir maintenant. Revenir. Et toujours à un homme, à même époque, à même âge, à même. À donc il est monté sans passer par la mort. Jamais. En tout temps, il est où? Hein? En tout temps, il est où? La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Donc à la droite du Père. Oui, c'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis en train de dire que la droite du Père, il faut qu'il passe par la mort. Il dit ce que le Coran. Pourquoi forcément par la mort? Dieu est capable de tout. Ok. Dieu peut te prendre toi. Si Dieu est capable de tout, comment tu peux refuser qu'il puisse se faire homme? S'il est capable de tout. Comment tu peux refuser de faire? Là-bas, il y a la logique. Il y a un petit logique à ce temps. S'il y a quelque chose aussi, il y a toujours logique. Dieu ne peut pas être un homme pour venir combattre les gens parce qu'il a les armées. Je dis, il peut envoyer les gens pour aller le combattre. Je dis, c'est la logique. Il y a un truc qui cloche là-bas. Comment est-ce que, regarde, Dieu est tout puissant? Il est tout puissant. Il peut tout faire. Propre. Donc il peut tout faire. Mais Dieu ne se rabaisse pas. S'il vient, ça veut dire qu'il s'est rabaissé. Ça veut dire que lui, il n'est pas. Donc ça veut dire que Dieu peut tout sauf se rabaisser. Justement, Dieu ne se rabaisse jamais. Pourquoi? Devant les hommes, jamais. Dans ce cas, pourquoi il ne tue pas les hommes que. Il ne se rabaisse jamais. Pas. Mais il dit seulement que tous les gens qui ne le croient pas, tous les gens qui ne font pas les œuvres qu'il a données aux hommes, là, il a un terme fixé. Tu vois, mais il va les arrêter. Mais dans le Coran, c'est lui qui a dit clairement qu'il a tordu le cœur de qu'il ne croit pas. Hein? Dans le Coran, il dit. C'est toujours sa volonté là-bas. Donc, c'est lui qui même, a tordu le cœur. Voilà. Comment il a dit, quand il a donné la mission à Moïse. Hein? Il a dit que c'est lui qui a fabriqué Pharaon et c'est lui qui a rendu le cœur de Pharaon dur. C'est pas ça? Pourquoi c'est là aussi? Donc c'est le même Dieu alors? C'est toujours le même Dieu. Et c'est le même Dieu là qui donne que Jésus est mon fils bien aimé. Hein? C'est le même Dieu là. La partie là, moi j'ai dit que le Coran refuse catégoriquement. Non, c'est pas le Coran qui refuse, c'est toi qui veux refuser. Le Coran refuse. Le Coran n'a jamais. Ok, montre-moi un verset où le Coran dit que Jésus est le fils de Dieu. Ok, je prends le Coran, n'est-ce pas? Voici la Bible. Voici le Coran. Le Coran. Avant 600 ans, quoi, le Coran n'est pas là. Je connais ton problème. Oui, quel problème? Je connais ton problème. Ton problème, c'est parce que la Bible était avant. Absolument. Un Coran. Regardons le Jésus lui-même. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, en vérité, je vous le dis. Au dernier jour, les premiers seront les derniers. Non, il n'a pas dit ça. Et les derniers seront les premiers. Il a dit certains des premiers seront les derniers. Il a dit certains des premiers seront les derniers. Il a dit les premiers seront les derniers et les dernier selon le premier. Dans quel contexte il a dit ça? Voilà. Ok, actuellement maintenant, les chrétiens, ils se vantent en disant que l'islam est venu dernier. Non, non, en fait, dans ce cas, c'est comme les chrétiens ne sont pas les premiers parce qu'il y avait d'abord les juifs. C'est que ce sont les juifs que ça concerne. On est en train de parler à l'époque de maintenant. Nous sommes au dernier jour. Parce qu'il a dit qu'au dernier jour, nous sommes au dernier. Oui. Voilà, il a dit que le premier sera. Maintenant, oui, admettons que l'islam est le dernier. Et c'est le même Jésus qui a dit que le dernier là seront le premier. Vous avez dit que au dernier jour, c'est l'enseignement de l'islam qui va combattre le monde. Donc tu veux dire que c'est ce que Jésus voulait dire. Justement. Ok, mais quand il dit parce qu'il a dit que vous êtes les adorateurs du Père. Attends, doucement. Mais avec le temps, il y aura le vrai adorateur qui vont venir avec l'esprit. Pas, laissons les choses dans le contexte parce que tu prends ça justement, tu appelles à l'islam. Il y a des prostituées qui sont venues. Il a dit les prostituées vous dévanceront, vous les pharisiens. Les prostituées vous dévanceront dans les rangs des cieux. Parce que les prostituées sont considérées comme les respects de la société. Après, il dit que certains des premiers seront donc les derniers. Donc, c'est ça qu'il en a parlé. Il faut pas qu'on sort les paroles de Jésus hors de leur contexte, d'accord? Donc, ne dis pas que c'est parce que comme le Coran est la fin, alors tous ceux qui sont devant. Alors même les disciples, si c'est alors, comme ça, hein, alors sont les derniers. Attends un peu, si c'est comme ça que tu dis, n'est-ce pas? Ça veut dire que même l'évangile, on ne devait pas le croire parce que la Torah était avant. Comment ça? Oui, parce que, attends, tu es en train de dire que, tu es en train de dire que le Coran est dernier, l'autre est avant. Ok, laissons le Coran. On met le Coran. L'Injil, la Torah et le Taurat. Il n'y a aucune, il y a aucune contradiction. Justement. Mais la seule contradiction est entre la. Regarde bien. Mohamed, le Coran ne vient pas accomplir ou bien renforcer quoi que ce soit. Le Coran contredit directement la Torah et l'Évangile. Non, le Coran ne le contredit pas. Donc, avant que le Coran arrive, oui. Les gens ont déjà le Zabour, la Torah. Et les gens, donc avant que Dieu envoie le prophète avec le Coran, oui. Les gens ont déjà démenti au nom de Jésus. Donc, il est Dieu, il a mal. Donc, au lieu d'enseigner le truc, Avant que Mohamed ne vienne avec le Coran, la Bible est constituée telle qu'on a ici. On est d'accord? Ok. Voilà ce qui est écrit dans la Bible depuis que Mohamed, avant que Mohamed lui-même a écouté cela de la bouche de son beau-père qui était chrétien. Maintenant, il lit, son beau-père lisait la même Bible qu'on lit aujourd'hui là. Et dans cette Bible-là, Jésus parlait de sa propre bouche. Est-ce que tu sais que son oncle, qu'on appelle son oncle là, l'oncle le prophète là, il n'était pas avec Jésus. Hein? Non, non. Mais ils étaient toujours avec leur religion traditionnelle. C'est exactement. Là. Mais le problème, c'est qu'ils mélangeaient. Hein? Le problème, c'est qu'ils mélangeaient. Ils ne mélangeaient jamais. Ils avaient le talent. Ils ne mélangeaient jamais. Parce que lorsque l'oncle du prophète est mourant, Dieu lui a dit que va dire à ton oncle de revenir à l'islam. Il est en l'islam. Oui. Hein? Il a refusé pourquoi? Ça, c'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil qui refuse. Il dit que, mais comment, depuis des années, c'est la même chose que maintenant, les gens refusent, les juifs ont refusé Jésus, le prophète Mohamed, parce qu'on dit qu'il est, il vient d'une femme esclave. On dit que, mais comment une dernière personne vient nous faire? Qui dit comme ça? Les juifs, même les juifs. Il dit que, mais comment, c'est à partir de là le problème commence. Bon, attends, il faut qu'on dise quelque chose, n'est-ce pas? Il y a une question qui était posée depuis le début. Le Coran, dans le Coran, Jésus-Christ doit revenir. Oui. Il va venir seulement du haut comme ça. Entre temps, il est gardé par en haut, avec le chair, si qu'on a le chair, le chair, le sang. Maintenant, la Bible même a confirmé, la Bible a dit qu'il est à la droite du Père. Absolument. Absolument. Ce qui est demande comme question, c'est ici. Quand il va venir dans quel pays? Un. Dans quel peuple? Deux. Là, on a, le Coran n'a pas dit. On n'a pas dit que dans quel pays. Donc, il va seulement revenir. Et quand il va revenir, les gens vont croire qu'il est là. Les gens vont savoir qu'il est là. Donc, s'il vient au Pakistan maintenant, ici, on va savoir. Tout le monde entier va savoir. On va savoir. On va savoir. Rien ne se casse sur moi actuellement. L'internet, le monde est inanime. Donc, ça veut dire que si bien, on va savoir que c'est lui qui est là. Voilà ce qui se passe maintenant en Palestine, n'est-ce pas? Nous voyons. On monte à la télévision. Et alors, voilà, donc, c'est la même chose que tout le monde entier. Donc, quand Jésus va venir comme ça, là, il va venir. Et il sera toujours juif. Toujours juif. Mais le problème, c'est qu'il va parler arabe. Il va pas. Mais oui, il va parler arabe. Donc, va parler arabe parce que, regarde. La langue arabe, c'est la langue de Dieu. Actuellement, c'est la langue dernière. Donc, en montant comme ça, là, maintenant, Dieu va lui donner la parole maintenant en arabe. Donc, tu crois que Dieu n'a pas le pouvoir de faire parler à Jésus? Non, je dis pas, puisqu'il est arabe, parce que là, maintenant, tu m'as donné un verset tout à l'heure que. Les gens ne se comprenaient pas, ils n'avaient pas de langue. Mais quand Dieu a dit que un peu de temps, vous allez vous comprendre. Ils ont parlé du Jésus. Justement, bon, pourquoi alors Jésus non, Dieu non, ne peut non. pas le faire? Attends, j'ai pas dit que je ne peux pas faire. Je donne le plus les choses. J'ai dit que donc c'est Jésus qui va venir facilement parce que il parle par rapport à tout ce que tu as d'abord dit. Tu as dit que la langue de Dieu, pour qu'on puisse comprendre maintenant les choses de Dieu, c'est en arabe. Donc ça veut dire que ça suppose que le prochain Jésus qui vient là, c'est en arabe qu'il doit parler. Parce que là, il y a deux langues seulement que Dieu a choisi au monde. Hébreu et l'arabe. Oui. Les deux langues. Et tout ça, ce sont les traditions français, anglais, tout ça. Jésus n'a jamais parlé en français. Voilà pourquoi. Mais il peut parler français. Justement. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre jour, comme les gens peuvent le prendre, parce que le nom qu'on a donné Jésus, c'est pas son nom. Le chrétien, c'est pas lui qui a donné le chrétien. Tu peux dire que moi, je suis un chrétien. Lui, il sait pas. Moi, je suis la cible de hein? Lui, il ne sait pas ce que ça veut dire chrétien, parce que c'est dans Actes des Apôtres qui ont donné le nom de chrétien. Voilà pourquoi il a dit qu'il y a beaucoup de choses que Jésus ignore. Il ne fait pas, les gens ont fabriqué la chose, le Coran dit clairement que Dieu est assez puissant pour garder sa parole. N'est-ce pas? Oui. Ok. Le Coran, vous, pas le Coran maintenant. Le Coran dit clairement que Dieu est fort pour garder sa parole. Et l'une des choses que l'islam s'est vanté, c'est que le Coran est unique. Et que ça n'a pas été altéré depuis. On ne se vante pas, ce qui est logique. Ce qui est logique. En fait, je peux te montrer maintenant la preuve historique avec les documentaires que c'est faux. Parce qu'il y a au moins 31 Corans différents. Peut-être que tu ne savais pas cela. Il peut te montrer maintenant, avec les preuves maintenant, qu'il y a 31 Corans. Ok, le 31 Corans différents, là, il n'y a pas deux Corans qu'on entend d'appliquer au monde. Il y a seulement un seul Coran qu'on pratique. Ok, maintenant. Tu sais pourquoi? Ok, attends. Pourquoi le calife Othman a fait décapiter Ali en Irak? Explique-moi, si tu connais la tradition. Je vais te dire maintenant pourquoi c'est le Coran là qui est unique. Le Coran que tu as maintenant, c'est ça qui est unique. D'après ce que tu connais, qu'est-ce que tu connais l'histoire? Pourquoi Omar a fait décapiter Ali? Pourtant, c'est le compagnon. Et Ali est le cousin de Mohamed. Et lui, il n'est qu'un compagnon. Pourquoi Othman le fait décapiter? Othman? Oui. Othman le fait décapiter parce que lui il avait, comment dire, la tradition d'origine. Qui lui a donné? L'original. À Othman, qui lui a donné? Puisque le prophète Mohamed allait. Je parle d'Ali, hein, oui. Je ne parle pas de Othman. Ok, donc Ali avait le. Ok, allons-y. Parce qu'il était avec le prophète. Voilà, d'abord, avant même les autres. Mais Othman n'était pas avec le prophète. Le prophète, hein? Oui. Bon, voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que. Mm-hmm. L'islam nous a dit que, donc depuis le commencement de l'islam, on veut toujours combattre l'islam pour disparaître l'islam. Mm-hmm. Mais Dieu a dit que l'islam c'est sa religion, c'est lui qui va garder la religion de Dieu. Oui. La religion de Dieu. Mm-hmm. Donc depuis le prophète, on a cherché à tuer le prophète, on a tué quand même les apôtres, mais lui on ne l'a jamais tué. Ce que tu vas savoir, c'est que c'est entre vous, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti de l'extérieur pour le faire. C'est entre vous, entre les califes, Othman, Ousmane, Omar. Mais il y a toujours les juifs. Non, il y a aussi les juifs là. Les juifs ont fait quoi? Il y a aussi les juifs. Les juifs n'ont jamais été à Médine pour aller faire quoi que ce soit, ni amener à Mecque. Comment tu veux dire ça? La contradiction qu'ils ont eue avec la population de la Mecque où ils devaient lutter parce qu'ils venaient pour. Parce que la Mecque initialement n'était pas pour. Attends un peu, est-ce que tu sais qu'à leur époque là, tous les juifs, tout ça a été mélangé dans tout le pays? Parce que la zone. Attends, c'est pas le problème. Parce que à la zone de la Mecque, c'était la zone de transition de commerce. C'est pour ça que Mohamed lui mettait là-bas. À l'ère 23, il faisait le commerce là-bas, dans la zone persique là-bas. Donc quand Mohamed marchait là-bas, il était en contact avec tout le. Il y avait beaucoup de religions là-bas. Mm-hmm. Mais particulièrement par rapport à la Mecque, avant qu'il ne vienne prendre la Mecque, on est d'accord. Mm-hmm. Là-bas, pour faire s'établir là-bas, les gens, sa population, le Kodesh, c'est ça? Mm-hmm. Sa population d'origine adorait autre Dieu. Mohamed, quand il a sa révélation, pour venir maintenant pour conquérir, pour que la population accepte sa parole et sa révélation. Ils avaient d'abord leurs croyants. Il y avait les juifs là-bas qui croyaient, et les chrétiens qui avaient des gens qui étaient convertis en chrétiens. Mais ce qu'il veut dire, c'est que quand Mohamed a donné les récitations du Coran, il y avait Othman, il y avait Ousmane, il y avait Omar, et il y avait Ali. Ali, d'abord, est la première personne à qui Mohamed a fait parler. Il était son cousin. Mm-hmm. Ok, je pose la question. Pourquoi? Parce que le but, c'est ceci. Vous allez dire que le Coran est unique, c'est unique au monde. Pourtant, mm-hmm. Ali avait un exemplaire et Othman avec d'autres écrits qui ne concordaient pas. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Pourquoi Othman va faire décapiter Ali? Ça, c'est leur problème. Ah, tu as vu, maintenant qu'il y a un problème avec le Coran. Ça, c'est leur problème. C'est pour te dire qu'il peut te prendre maintenant l'histoire pour te montrer. Attends un peu, le Coran que tu crois être unique n'est pas unique. La partie qu'on a dit que le Coran. Ce que vous avez besoin, c'est le Coran sunnite. La partie qu'on dit que le Coran est unique, mm-hmm. c'est du moment qu'on a rassemblé le Coran est devenu comme ça. Mm-hmm. Le Coran est devenu unique. Mm-hmm. Hein? Oui. Donc, si tu as maintenant là, s'il n'y a mm-hmm. pas un seul lettre mm-hmm. ou bien une phrase qui n'est pas dans le Coran. Oui. C'est que c'est pas le Coran. Ok, maintenant en 1972, mm-hmm. en 1972, plus proche de nous, mm-hmm. on a découvert les manuscrits qui étaient différents des manuscrits qui étaient avant. Parce qu'il y a des. On a effacé sur le manuscrit mm-hmm. datant des 7e siècle, c'est-à-dire mm-hmm. que près de 70 ans après mm-hmm. la mort du prophète Mohamed, mm-hmm. sur lequel il y avait des effacés. Je peux te montrer le documenté, il y a celle-ci avec le OK. Mm-hmm. L'autre est OK, l'autre est à Londres, mm-hmm. l'autre est en Russie, mm-hmm. les 7 parchemins là. Mm-hmm. Il y a 1972 qui est devant nous là maintenant. Mm-hmm. Ça, c'est à Ok, en Égypte qu'on a découvert, et puis au Yémen qu'on a découvert à Sana. La toile de la mosquée qui était écroulée. Mm-hmm. Les parchemins là datent du 8e siècle. 8e mm-hmm. siècle. Mm-hmm. Or, maintenant, le Coran chiite mm-hmm. que les chiites ont a trois fois plus de révélations que le Coran sunnite. Mm-hmm. Comment tu peux expliquer? Et c'est le Coran sunnite que vous en avez utilisé. Mm-hmm. Le Coran qu'on a maintenant là, mm-hmm. le Coran chiite mm-hmm. ou qui est issu d'Ali mm-hmm. a trois fois en plus de révélations avec ça. Voilà pourquoi Othman a voulu qu'on décapite Ali. Parce qu'il a dit que et Ali a dit non seulement il y a Ali, il y a aussi Massoud. On est d'accord? Oui, Massoud. Massoud. Massoud a dit quoi? Quand il a fui là en train d'aller, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si Othman vient ici là, il demande encore parce qu'on a même fait chicoter, taper en public pour qu'il puisse donner cela les parchemins comme brûle. Parce que Othman voulait établir que ce soit seulement celui lui qui est passé le premier caïf. Il est le premier calife. Othman réclamait le califat. Ali disait que comme le califat, comme je suis le cousin, je suis légitimement le calife. N'est-ce pas? Et ça a eu la distinction dans le monde arabe. Maintenant, quand Ali a son truc et que les chiites croient là en Iran, et autres là-bas. Ok, maintenant d'après toi, maintenant le Coran n'est pas unique. Exactement. Ok, d'après toi, la Bible elle est unique. Exactement. Hein? Oui. Elle est unique. Oui. Hein? Oui. Ok. Quand pas, ok, maintenant ça va, ça va. Laissons le Coran, ça va. Laissons le Coran. La Bible, revenons maintenant à la Bible. Oui. La Bible n'est pas, le Coran n'est pas une la Bible. Mm-hmm. Hein? Oui. Bon, maintenant, je vais prendre un petit, parce que je vais partir d'ici 20 minutes. Mm-hmm. Je vais prendre un petit exemple simplement. Je reviens dans la notion de l'unicité, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas éclairé le truc. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, nous les hommes, lorsque Adam a péché, Dieu a frappé à l'homme, la femme, le serpent, n'est-ce pas? Il a dit que l'homme, tu vas à la sueur de ton front, n'est-ce pas? Ok, moi je travaille, toi tu travailles, elle peut-être, elle avec le temps, elle va travailler, n'est-ce pas? C'est logique, tout homme doit, a besoin de travailler pour vivre. Hein? Bon, maintenant, est-ce qu'on est d'accord que Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons besoin? Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons besoin. Mm-hmm. Dieu n'a pas besoin peut-être de manger. Oui, je comprends. Dieu n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de dormir, de sommeil. Dieu contrôle tout. Si quelqu'un d'autre avait dit qu'il est inconscient pendant une période, Dieu dit que lui, il contrôle tout. 24 sur 24, il ne dort jamais. Voilà, il y a le nom qu'on dit que Dieu ne dort. Dieu ne dort pas. Ça, c'est le chrétien qui donne le nom. Ok. Moi, je travaille avec la moto. Également, tu travailles. Tout le monde travaille. Hein? Nous avons besoin de travailler pour vivre. Bon, maintenant, Dieu est là. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de travailler. Il n'a pas besoin de manger. Hein? Bon, maintenant, vous dites que Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Mais la Bible reconnaît deux travaux que Jésus a commis. Jésus était charpentier. Dans l'autre, on dit que Jésus était berger. N'est-ce pas? Berger où? Il était berger. Il n'y a pas un seul berger qui dit ça. Ok. Jésus était charpentier. Parce que c'est un truc que j'ai aussi. Non seulement, la Bible n'a non plus dit qu'il était charpentier. La Bible a dit qu'il est fils du charpentier. Du charpentier. Mais les gens se disent que comme le Père est comme ça, le Fils doit être comme ça. Jésus était charpentier. Comment est-ce que Jésus fait pour se nourrir? Il peut répondre? Oui, il répond. Ok. Il fait comment pour se nourrir? La première chose qu'il fait. Il cherche de l'argent comme nous. La première chose. Pour répondre à cela, il faut qu'on corrige. La Bible n'a pas dit que Jésus était charpentier. On a dit que Joseph, qui était son père adoptif, était charpentier. Maintenant, les exégètes bibliques peuvent aller en profondeur ou bien hors de la Bible. Je ne vais pas hors de la Bible. La Bible dit, je dis, la Bible ne dit pas, il ne dit pas. Étant donc fils de charpentier, on peut croire que dans sa naissance, dans sa jeunesse, il a aidé son père dans pour faire ces choses-là. Mais il n'est pas venu pour cela. Il faut qu'on comprenne sa mission. Quand il était 12 ans, à 12 ans, quand ils sont montés au temple avec ses parents, il était en discuté avec les gens, on a laissé là-bas, il est revenu, il dit que, on t'a cherché, il dit que, mais ça ne veut pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Deux, si je me pose la question, pourquoi appelle-t-il toujours mon père, pourtant que lui-même il est Dieu, il appelle son père. Ne t'inquiète pas, ça, c'est exactement ce qu'il veut t'expliquer aussi, que si on pouvait être seulement calme vraiment pour qu'on puisse entrer dans la Bible. Donc, quand Jésus donc dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon père, ça veut dire clairement, il a défini sa mission. Il est venu sur la terre pour un but bien précis, pour faire connaître Dieu à l'humanité. De deux, si on croit donc au miracle de Jésus, comme le Coran dit que d'après, qu'il a pris la boue, il a soufflé après la permission d'Allah pour le faire. Jésus-Christ, s'il prend un pain, il multiplie. N'est-ce pas? Ne peux-tu pas faire quoi que ce soit? Il a fait beaucoup de choses. Ok. Donc maintenant, il ne veut pas dire ces choses-là. Comment? Pourquoi tu lui as donné le pouvoir de faire tout ce qu'il a fait tout? Tu lui as donné ses pouvoirs. C'est son père qui lui a donné le pouvoir. Écoute, toi tu vas pas le père entre le père parce que quand tu poses la question, je vais répondre. Le problème c'est que vous prenez toujours Jésus, tantôt il est homme, tantôt il est prophète, tantôt il est Dieu. Restez unanime, mon frère, il est Dieu, il est prophète ou il est fils ou il est quoi? Vous prenez 4 sur vous, 5 sur vous, mélangez sur vous, ça ne peut pas se faire. Moi, je ne peux pas être mon père, mon grand frère, mon petit frère. Non. Mais ce que je t'explique, c'est que. Ok, regarde bien. Attends. Tu as dit que c'est son père qui lui a donné le pouvoir. Pourquoi lui, il n'a pas de pouvoir? Parce que le Coran, il nous dit que Dieu est le pouvoir. Lui, il est le pouvoir. Ne t'inquiète pas. Lui, il est le pouvoir. Mais on dit que Jésus a le pouvoir. Je vais sortir par là. Donc, on lui a donné le pouvoir. Non, je vais sortir par là parce que voilà la chose qu'il faut expliquer. Tu as ton père, n'est-ce pas? Oui. Regarde bien, ton père a son père. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si tu as un enfant, alors ton père a un petit-fils. Regarde très bien, il dit, tu as ton père. J'aime ton père a son père. Propre. Tu as ton fils, ton père a un petit-fils. Ok. Donc, tu vois que ton père est en même temps fils de quelqu'un, père de quelqu'un, et grand-père de quelqu'un. Ça fait de lui trois personnes. Est-ce que c'est trois personnes alors? Non. Ah, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle bien les attributions. Mm-hmm. Les attributs. Comme par exemple, on dit que Dieu... Non, écoutez, la personne de Dieu, c'est pas ça. Hein? La, oui, la personne, on dit, la Bible dit Dieu unique. Oui. Dieu, il est unique. Ok, Dieu est créateur, non? Il est le créateur. Ben, il est si le créateur. Il est le créateur, il doit être un seul créateur. Il n'y a absolument. Pas de Dieu, il y a un seul créateur. Absolument. Hein? Absolument. Maintenant, dans Hébreu, on dit que... dans Hébreu, ou bien, en fait, tu connais quelque chose. Oui, dit que, Dieu a dit que je vais envoyer un homme, un homme comme moi, et vous allez le suivre. Uh-huh. Les chrétiens disent que c'est Jésus. Uh-huh. On dit qu'un homme. Uh-huh. Maintenant, vous dites que c'est Dieu. Uh-huh. Paul dit Jésus est un homme. Uh-huh. Là, tu viens me dire que c'est Dieu. Uh-huh. Ses disciples n'ont jamais. Ok, dans Jean 6, 66 à 67, oui. La Bible dit que plusieurs disciples de Jésus sont séparés de Jésus. Oui. Il est seulement avec les douze. Mm-hmm. Jésus leur dit que mais, vous ne voulez pas aussi vous en aller. Mm-hmm. Simon et Pierre prend la parole. Je ne sais pas si toi tu es plus grand que Simon et Pierre. Mm-hmm. Simon et Pierre prend la parole, dit que Seigneur, mm-hmm. à qui irons-nous? Mm-hmm. Tu as la parole de la vie éternelle. Mm-hmm. Nous avons connu, mm-hmm. nous avons cru, tu es le seul venu de la part de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Ok, tu es le seul de Dieu, parce qu'il y a toujours les différences. Uh-huh. Tu es le seul de Dieu. Uh-huh. Tu es le seul de Dieu. Uh-huh. Pourquoi les disciples n'ont pas dit que tu es le seul vrai Dieu? Uh-huh. Mais non, tu es le seul de Dieu. Uh-huh. Est-ce que toi, tu es plus savant que les disciples qui ont cru avec Jésus? Ok. Une chose que tu dois savoir, c'est ceci. Là, parce que regarde, hein, si toi, tu viens me dire tout à l'heure oui. que Jésus est Dieu le Créateur, oui. je te jure en nom de Dieu, hein, tu contredis la parole. Absolument, parce que lui-même, il a dit, Jésus, yo, voilà, il a dit dans Jean 14, 24, quiconque ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Absolument. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, tu crois que le Père l'a envoyé? Dieu lui a envoyé. Non, il a dit Père. Le problème, c'est qu'il a dit Père. Il a dit que le Père lui a envoyé. Mm-hmm. C'est écrit clairement là-bas Père. Père. Dans l'original. Justement. Mais pourquoi vous refusez qu'il n'a pas un Père? Justement. Mais il a aussi dit dans Jean 20, verset 17, il a dit à Marie de Magdala, ne me retiens pas, mais je monte vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu. Okay. Là où tu es devenu, est-ce que tu peux dire que Dieu est ton Père alors? Hein? Là où tu es devenu, mais tu peux dire que Dieu est ton Père? Dieu n'est pas mon Père. Ah, mais Dieu est mon Dieu. Ah, mais je pose la question. S'il a donc dit à Magdala, j'ai posé la question simple. Mm-hmm. Est-ce que tu es plus intelligent que les disciples de Jésus? Non. C'est ça, non? Est-ce que tu veux par rapport à quoi? J'ai posé la question tout simple. Mm-hmm. Par rapport à la connaissance du monde, par rapport à tous les raisonnements de coups, quoi que ce soit. Mm-hmm. Est-ce que tu es plus grand que comme l'apôtre Pierre a dit que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Hein? Comme l'apôtre Pierre a dit que voilà. Est-ce que toi, tu es plus grand que l'apôtre Paul ou bien Pierre? Pierre, maintenant. Oui. Il faut que tu expliques quelque chose. Réponds-moi à une chose. Tu veux te répondre? Oui ou non? Moi, maintenant, c'est ce niveau-ci. Le Pierre qui a répondu à ce moment-là, je suis plus grand que lui. Comment cela? Voilà, c'est ça que je vais t'expliquer. Quand Jésus était avec Attends un peu, comment tu peux me dire que quelqu'un qui était avec Jésus, qui a vécu avec Jésus, toi tu viens me dire que... Voilà l'apôtre Paul même qui n'a même pas vu Jésus physiquement. Voilà pourquoi maintenant, hein, il y a des choses qui se passent ici, là, les gens disent que oh, je suis prophète, Dieu m'a envoyé, machin, truc, et les gens le croient. Mm-hmm. C'est la même chose que maintenant, comme tu dis que toi tu es plus grand, c'est deux personnes. Mais parce que tu m'as posé la question, ces deux personnes vont te croire. Regarde, mais nul, tu ne pourras jamais être plus grand que Pierre. Ok, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial que je ne peux pas l'avoir? Si toi tu es plus grand que Pierre, c'est que tu es plus grand que Jésus. Donc, attends, ça veut dire que franchement, oui. Attends, comment ça? Parce qu'ils ont vécu ensemble. Ils ont vécu ensemble. Dieu les a, Jésus les a enseignés. Ok, ok. Mais n'avez pas la même exemple chez les musulmans. Mm-hmm. Othman, mm-hmm. Ousmane, mm-hmm. Omar, Ali, les quatre compagnons. Mm-hmm. Ils ont vécu avec le prophète Mohammed. Oui. Ils n'ont jamais dit que le Coran était altéré. Oui. Pourquoi vous dites que le Coran, que la Bible est altérée? Pourquoi vous dites aujourd'hui que c'est altéré? Atterrir, explique-moi, vas-y, quoi. C'est-à-dire qu'on a falsifié le Coran, la Bible, que la Bible a été falsifiée. Ni Mohamed n'a jamais dit, ni l'ange Gabriel n'a jamais dit à Mohamed, ni Othman n'a jamais dit, ni Ali, ni Ousmane, ni Omar. Pourquoi vous dites? Est-ce que tu as vérifié tout le Coran, tous les hadiths, absolument. Il n'y a nulle part dans le Coran. Nulle part. Hein? Remarque très bien, Je t'ai dit la dernière fois ici, que est-ce qu'il y a un verset coranique qui dit que Dieu a dit que la Bible a été falsifiée. Mm-hmm. Maintenant, je te lance un défi maintenant. Mm-hmm. Si je trouve ce verset coranique, je deviens islamique. Non, je ne connais pas le verset. Non, il voulait dire n'est-ce pas. Tu as toujours dit que... Non, attends. Écoute, c'est pas un défi que nous faisons. Non, en fait, tu peux me gagner, n'est-ce pas? Non, je veux dire ceci. Tu peux me gagner peut-être, mais... Parce que quand tu sors... Le premier jour que je suis venu, mm-hmm. j'ai commencé à causer avec toi. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Franchement, j'ai commencé à comprendre que ta connaissance est plus élevée que pour moi. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. J'ai compris tout cela. Mm-hmm. Mais si tu me poses la question, parce que tu dis que Je ne connais pas le Coran, le chapitre, Mais il y a des gens chez vous qui connaissent absolument, qui connaissent la récitation. Qui connaît la récitation. Donc ça veut dire que pour que tu ne connaisses pas chez l'imam. Que tu veux, l'envoyer. Que pas chez l'imam, tu demandes que y a-t-il un verset coranique. Parce que voici le problème, il était ici au départ, n'est-ce pas? L'une des choses que vous faites comme erreur, c'est ceci. C'est que vous avez remis votre vie aux imams, aux cheikhs et aux non. Voici la preuve, tu nous dis que ce qui s'est passé dans le Coran, que c'est écrit. Non, on n'a jamais dit que de croire à l'imam pour avoir. Non, il ne parle pas de croire, il ne parle pas de croire. C'est ce que l'imam prêche que tu crois. Parce que tu comment c'est là, non. Ok, je n'ai pas besoin. Maintenant, tu vois, moi, non. Je n'ai pas besoin que l'imam le prêche pour qu'il soit avoir. Ok, maintenant, je pose la question directement. Le fait que tu dis que la Bible a été changée, que ce n'est pas l'original ici, là, où est-ce que tu as appris ça? J'ai appris ça où? Oui. Tu as dit qu'il n'y en a pas, non? Oui. Hein? Oui. Ok, moi, j'ai dit samedi. Je viens avec un grand savant. Parce qu'on devait venir aujourd'hui, là, mais il est en dehors de l'imam, là. Il y a un autre qui veut venir avec lui. Lui, il connaît tous les explications. Les explications. Mais moi, je ne connais pas. Parce que mais toi, n'est-ce pas? L'islam, n'est-ce pas, nous dit que si on te pose la question comme ça. Je ne connais pas, ne dis pas. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. Moi, je ne dis pas ce que vous voulez. Ok, mais le Dieu de ceci. Sur quelle base, donc, as-tu avancé de ta propre bouche que la Bible a été changée si tu ne connaissais pas? Je ne connaissais pas. Mais pourquoi donc tu as dit que la Bible était. Parce que tu as reçu cet enseignement. Justement, moi aussi, j'ai reçu cet enseignement. C'est ça que je dis que c'est voilà le danger. Le danger, non, c'est pas le danger. Ah, parce que, regarde. Si tu dis que la Bible a été changée et que la Bible n'a pas été changée. Parce que, regarde, si quelqu'un. Dans l'islam, un homme ne peut pas se lever dans l'islam ou bien dans la mosquée de parler quelque chose qui était le contraire. On va le tuer à l'immédiat. Contraire à quoi? À contraire ce qui est dans le Coran. J'ai dit dans la mosquée. Je suis exact. J'ai dit que dans la mosquée, un imam ou bien quelqu'un qui vient de prêcher, tu en as été placé comme ça sur un mauvais terrain. Donc, on dit que si ton imam là, celui que tu as dit, le savant là, s'il vient, je suis ouvert chaque fois. S'il ne me montre pas dans le Coran où c'est écrit que la Bible a été falsifiée, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec vous alors? J'ai dit, si lui il ne te montre pas, oui. Moi je ne suis pas sûr s'il n'y en a pas. Oui. Hein? Oui. Si il... maintenant il peut te dire à 100% qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Oui. Ok. S'il ne parvient pas à te montrer, oui. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alors dans ce cas, pourquoi les musulmans accusent donc que les chrétiens ont falsifié la Bible? Bon, maintenant je dis ceci. Oui. Je dis, je ne suis pas sûr et certain. Oui. Mais il y a une chose que je sais. Oui. Dans l'islam, oui. Tu ne peux pas venir devant tout le monde entier en train de... Parce que tout ce que tu es en train de dire, les gens ont ça dans la tête. On sait de ce que tu dis. Voilà. Tu ne peux pas dire le contraire de ça. Okay. Si tu dis le contraire, on va t'arrêter en laissant. On ne peut pas dire que non, c'est faux. Soyons sincères. Si donc ça ne se trouve pas dans le Coran, supposons que demain vous venez. Toi tu dis que ça ne se trouve pas dans le Coran. Le Coran, moi je n'ai pas de Coran. Non, mais t'inquiète pas. Voilà, je dis, il va falloir que quelqu'un vienne s'il dit que aussi ça ne se trouve pas à partir de là. Okay. Si ça ne se trouve pas dans le Coran, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Puisque l'enseignement là, tous les musulmans au monde ont cela. C'est parti d'où? L'enseignement. Les gens ont été suscités comme Ahmed Didac pour écrire quelque chose par rapport à la Bible, pour dénaturer la Bible, pour vous empêcher de lire la Bible, pour dire que c'est la Bible des choses des mécréants. Vous dites qu'on ça a été de la chaîne, pas touché cela. C'est ce qui a été fait. Maintenant, le problème, c'est que, comme on presse cela comme ça, là, c'est entré dans la tête des gens. Personne n'a jamais vérifié, à poser. Parce que vous faites des questions-réponses, non? Pourquoi on ne pose pas des questions aux imams et autres là-bas que, s'il vous plaît, les chrétiens m'ont posé la question que, où est le verset du Coran qui dit que la Bible a été. Parce que, n'est-ce pas? Si Allah nous posons toujours les questions. Okay. Parce que la partie là, ça ne nous intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé parce que, oui. Parce que je n'utilise pas la Bible, j'utilise le Coran. Donc tu sors vraiment pour aller dire aux chrétiens que ton Coran là c'est faux, ça a été interdit. C'est la même chose que toi, mais tu as également, toi aussi, tu m'as dit. Là-bas, il y a les preuves historiques. Là-bas, tu as dit qu'il y a les preuves historiques. C'est la même chose que moi, je n'ai pas de preuves. Toi, tu as fait les recherches. Il y a aussi les gens. Moi, il dit que même le National Geographic le montre toujours les preuves historiques. Toujours que la Bible a été. Il y a même les versets de Bible qui ne sont pas toujours. Voici la différence entre, regarde, les passés montrent les preuves historiques des Corans, de l'origine du Coran. On peut le tracer. Preuves historiques de l'origine de la Bible, on peut le tracer. Ce qu'elle dit, c'est ceci. Le Coran est venu 600 ans, il faut qu'on soit vraiment clair. Le Coran est venu 600 ans après la Bible. Voilà, je dis, n'est-ce pas, si tu t'intéresses toujours à l'avant ou à l'après. Mais c'est ça, c'est important. Il n'y a toujours pas de problème. C'est important. Je vais t'expliquer ça. Entre le prophète et le prophète, il y a toujours les années et les années. C'est pas l'année qui vient le prophète. Je vais t'expliquer quelque chose, s'il te plaît, permets-moi, écoute-moi tranquillement. Si Dieu a de passé, supposons que passé l'Injil et la Torah, c'est donné, et que entre temps sur la terre on a changé, Dieu en donnant ceci donc de nouveau, Les gens disent que ceci a été changé, alors que Dieu lui en donnant ça, alors que ceci était dans là. Si c'est ce même Dieu qui a envoyé la Torah et l'Injil, pourquoi Dieu en envoie Mohamed ne lui dit pas qu'on a changé la, que les chrétiens ont changé la Torah? Ok. Est-ce que tu sais que la vraie Bible, la première écriture, c'est une écriture en écriture rouge, non? Quoi, la première Bible qui a été écrite avec l'encre rouge. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Moi je te dis, Bible? Mais la Bible ne se trouve jamais ici en Afrique. C'est où? Ça c'est la vraie Bible, ça se trouve toujours en Jérusalem. Bon, c'est quoi? Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas? Attends, nous a montré, il a montré. C'est exactement l'Injil. C'est que tu as dit là. C'est que tu as dit là. Mais ça là. Ton savant là, attends ici. Je sais que c'est une autre enseignement que vous avez reçu là-bas. La Bible si nous dit ceci. Le quand Moïse était là, lui-même qui a donné la loi, il a dit quand vous aurez les lois, des rois sur vous, qu'ils fassent des copies de cette même loi pour qu'ils lisent. Donc chaque loi, chaque roi avait les copies de la Bible. Tu me dis que la vraie Bible est là, alors que même au temps de Moïse, il y en avait plusieurs. Au temps de Jésus, maintenant je te dis là-bas, il y avait les synagogues en Damas, là où l'apôtre partait. Donc ils étaient à Damas comme ça, ils partaient, quittaient pour aller à Jérusalem pour prendre la copie, pour venir lire là-bas. Donc dans la synagogue de Jésus, Jésus a pris l'une des copies. Il n'a pas dit que c'était faux, Jésus. La partie là n'est pas faux. Alors, c'est au moment, c'est au moment que Jésus n'est plus là. La partie de là, il y a eu des problèmes. C'est que ça nous expliquait, c'est avant même Jésus. Avant que Jésus ne vienne, il y en a plusieurs copies. Il y en a plusieurs copies. Mais là-bas, personne ne nous a dit que là-bas on a trafiqué. C'est à l'instant qu'on nous a. Là-bas, on n'a pas trafiqué. Voilà, tu m'as posé, tu dis que je ne connais pas. Mais quelqu'un va venir te dire. Voilà, il faut que quelqu'un nous dise comment ça a été trafiqué. Voilà. À quelle date ça a été trafiqué. Mais justement, oui, là-bas c'est autre chose. Donc, maintenant, je veux ma réponse claire avant de partir. Je t'ai dit tout à l'heure que. Ok, je vais en question musulmane. Ou réponds-moi. Qu'il est Dieu. Oui, Jésus, il est le Dieu. Les disciples l'ont reconnu. Tout le monde l'ont reconnu. Voilà, c'est ce que je vais voir. Bon, et tu donnes un verset, tu expliques. Et tu donnes, tu expliques. Ah, absolument. Maintenant, je lis d'abord ceci. 8 jours après, dans Jean chapitre 20, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avant parce que Thomas avait d'abord douté de lui, avance ici ton doigt et regarde mes mains. C'est Jésus qui a parlé. Donc, il prend la Bible qui est en poisson rouge. L'écriture rouge, tu vois que c'est la parole de Jésus. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà après la résurrection maintenant. Voilà pourquoi tu as dit que le pire que tu as dit quand Jésus était physiquement là, qui n'était pas encore mort, je le dépasse parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux comme il était montré au début dans Actes des Apôtres. Okay. Maintenant, après Actes des Apôtres, quand Jésus meurt maintenant, là, les disciples commencent à comprendre la vraie nature même de Jésus. Parce que étant sur place, quand il était là-bas, un temps, eux-mêmes doutaient. Quand il était dans la barque voulait chavirer. Ils avaient douté. Jésus s'est levé et dit, mais pourquoi doutez-vous? Quand il a stoppé le vent, stoppé le truc, il a dit, mais. Eux-mêmes encore sont encore posé la question, qui est même celui-ci à qui le vent lui obéit? Pourtant, c'est le même disciple-là, tu vois, qu'un temps il doute parfois, si un temps il doute, un temps juste il marche même sur la mer dans la nuit, il commence à avoir peur. Pierre dit, le même Pierre que tu as dit là, Seigneur, si c'est toi, dit que je viens, il a commencé à marcher, à un moment donné, il a douté, il a commencé à aller. Donc, pour dire que les disciples n'avaient pas quand ils étaient physiquement avec eux, ils n'avaient pas la pleine révélation de la chose, de la personne qui était Jésus. Mais maintenant, Jésus qui meurt, il ressuscite son corps, mais il peut traverser n'importe où, on dit que les portes étant fermées. Il a apparu là-bas, que la paix soit avec vous. J'ai posé la question, tu as dit qu'il s'est ressuscité. Qui lui a ressuscité avec Dieu? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui a fait et qui le manipule. Voilà, parce que lui-même, hein. Non, attends, regarde ce que lui-même dit. Comment il a fait pour ressusciter Lazare? Il a dit Lazare sort. Il a dit pourquoi c'est là, avant c'est là, qu'est-ce qu'il a d'abord dit à Dieu? Il a dit que paix était là. Il a prié, non? Pourquoi il a réussi. C'est ce qu'il va t'expliquer. C'est pour ça qu'il dit que le premier concept. On ne peut pas s'entendre. Moi, avant que pour que moi j'accepte Jésus et le Dieu créateur, il va falloir que la partie que Jésus dit que mon Père est plus grand que moi, je soit ôté, soit enlevé, soit annulé. Il y a d'abord une chose. Quel Dieu qui a le pouvoir? Jésus a dit ceci que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Dieu qui a le pouvoir, qui peut faire quoi que ce soit. Sa mère me dit, ton mère dit que ouais, mon fils, si tu étais là, mon frère ne devait pas être là. Jésus lui répond, est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Il aurait pu te dire, est-ce que tu peux voir ma gloire? Mais la gloire de Dieu, parce qu'il ne peut pas voir ce que Dieu a prévu. Ok, explique encore. C'est ça, c'est quand on parle de ressusciter Lazare, non? Voilà. Il m'a dit quoi? Il dit, je suis la résurrection. Attends un peu, j'en viens toujours. Mm-hmm. Bon, maintenant, oui, il dit que Jésus demande maintenant, mm-hmm. où l'avez-vous mis? Mm-hmm. Donc, où l'avez-vous enterré? Mm-hmm. Est-ce que Dieu le Créateur a besoin de lui demander que où l'avez-vous enterré? Exactement. Même quand je, il n'a pas besoin, parce qu'il sait la. C'est une question rhétorique. Regardez. Dieu sait tout. Il sait tout, non? Il est venu, il a fallu qu'on le montre. C'est pas la même chose. Pourquoi la Bible dit que il pleura, Jésus pleure, Dieu pleure? Maintenant, tu en as posé la question, maintenant, tu en es parti. Non, le problème, c'est que je suis en train de vous la dire. Il te met la main dans le pied, non? Non, je ne veux pas dire ça. Je suis en train de vous la dire que Jésus a la main sur l'esprit. Jésus a été tenté par un diable. Exactement. Jésus, ça c'est Jésus homme. Ok, son cousin est mort, il est en train de mourir. Ma mère est morte, j'ai pleuré, mon père est mort, j'ai pleuré. Jésus a pleuré. Pourquoi il pleure? Parce que lui, il est Dieu. Dieu ne pleure pas. Dieu n'a pas de famille. Si Jésus est... Oui, Jésus a des familles. Jésus est juif. Ça veut dire que Dieu est tribal alors. Ok, attends. Quand tu parles... Je n'ai pas tribal. Attends, bon. Quand tu parles des familles, la famille est issue des hommes, n'est-ce pas? Son père, c'est qui? C'est le père de qui? De Jésus. Parce que la famille est donnée à partir d'un homme. Il n'a pas de père. On dit que Mohamed, il ceci. On dit qu'Abaka, il ceci. Mais c'est lui le seul. On dit qu'il est Mariama. Il est Mariama. On ne dit pas que. Pourquoi le nom par rapport à Marie? Il n'a pas de père. Ok. Prouve-moi qu'il a le père. Non, c'est ce qui m'a été montré. Oui. Tu as parlé que Dieu n'est pas tribal. Je suis d'accord avec toi. Mais Jésus, donc, quand tu dis que Dieu n'est pas tribal, à partir d'un homme, il a tribulé quelqu'un par rapport à son père. Mais dans ce point, voilà pourquoi moi, d'après moi, je respecte les chrétiens. Mais c'est que les gens que je respecte beaucoup plus, c'est les témoins de Jéhovah. Parce que les gens, ils sont clairs. Mais ils croient que Jésus est le fils de Dieu. Mais il est le fils. Moi je t'ai aussi dit que si tu me dis que d'après la Bible, Jésus est le fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Moi j'accepte. Mais c'est ce qu'il veut dire. Mais le problème, tu me dis qu'il est Dieu, le Créateur. Attends, c'est ça le problème. Depuis qu'on est ici aujourd'hui, là, je n'ai pas dit ça de ma bouche. C'est toi qui en as dit cela. J'ai dit que depuis aujourd'hui, je vais t'expliquer que. Non, j'ai posé la question. Parlons de l'unicité de Dieu. Tu as dit que tu vas me prouver. Tout à l'heure, tu m'as dit. Non, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Il dit la mort musulmane. Mon Dieu. J'ai dit, l'approche musulmane de Dieu n'est pas l'approche musulmane des chrétiens, l'approche de l'unicité des chrétiens. Propre. Maintenant, le chrétien a la relation avec Dieu par Jésus-Christ. Propre. Maintenant, le musulman, lui, c'est il faut croire en Allah, qu'Allah est unique et à son messager, n'est-ce pas? Propre. Maintenant, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne va au Père autrement que par moi. Que tu sois arabe, ceci, juif, nation, grec ou quoi que ce soit. Ok, je vais donner une explication dans les parties. Oui. Il y a ce qu'on appelle le départ, oui. Il y a ce qu'on appelle le chemin, il y a ce qu'on appelle terminus, oui. De la destination. Oui. Jésus est le chemin, il n'est pas le terminus. Jésus est le chemin. Comment il est le chemin? Il est le chemin parce qu'il a dit que je suis le chemin. Ça ne veut pas dire que le corps physique de Jésus est chemin, ça veut dire... c'est sa parole. Et la parole, il a dit que ce n'est pas de lui, mais c'est Dieu. Lui-même. Voilà, pourquoi il dit à Dieu que, Père, j'ai fait connaître ta parole aux côtés des hommes que tu m'as donné. Garde-les, afin qu'ils soient un. Comme moi et toi, nous sommes. Après, pourquoi nous soyons unanimes? Il dit que tout le monde nous soyons un. Et comme moi et toi, nous sommes un. Est-ce que tu crois que c'est par là que tu as le problème? Là, je crois, c'est dans l'unité. Dans ce cas, alors, dans l'unité, dans ce cas, si Jésus-Christ est le chemin, pourquoi Mohamed? Pourquoi on ne passe pas Mohamed? Le chemin, mais il n'est pas la destination. Le chemin est la destination. La route qui mène à la réponse. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Je suis le chemin, mais son chemin, pour que ça atteigne à son chemin, c'est comme par exemple qu'il dit que bon, moi je vais t'accompagner à l'aéroport. Oui. En allant à l'aéroport, la personne qui a la destination de l'aéroport et toi qui marches, oui. Votre destination n'est pas égaux. La personne qui est là-bas déjà, oui. Et toi qui viens, c'est pas la même chose. Il est le chemin, oui. Il n'est pas le terminus. On ne peut pas parler de lui. Moi je suis le terminus qui parle à Dieu. Hein, il est le terminus. Mon prophète Mohamed dit quoi? Justement, il a dit ça. Il est le terminus qui parle à Dieu. Tu dis ça ou bien c'est le Coran qui a dit qu'il est le terminus? J'ai dit, n'est-ce pas? On va continuer le débat samedi. Mais tu me promets de tourner comme ça. J'ai même fait une histoire. Tu me promets de tourner comme ça. Tu dis que. Ne détourne pas. Non, parce que tu as dit Mohamed est la destination. Le terminus. Le terminus. Et Dieu est dans quoi? Hein? Dieu est quoi? Il est le terminus pour aller à Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu. Il est le terminus. Ça veut dire que si vous voulez. Ok. Ok, je sais, Jésus a dit, non seulement il est le chemin, il est la vérité. Il est la vérité, la vie. Jésus n'a pas parlé à moi, à toi ou bien aux Africains. Il a parlé à toi. Jésus a parlé à ses peuples. À son peuple, oui. Ok, maintenant, suis. Il a dit que attends, le chemin, la vérité et vie. Pour nul ne peut aller au Père. Nul là, c'est pour qui? Il aurait plutôt dit que. Il a dit nul là, c'est pour qui? Nul ensemble des gens qui sont devant lui. Ah. Ça veut dire que nul là, ici. Ça veut pas que nul là, ça regarde tout le monde. Ok, maintenant, Jésus là a dit. Père, je ne prie pas pour ceux-ci seulement, mais pour tous ceux qui, en quelque sorte, vont croire en leur parole, en moi par leur parole. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dis? Ça, il dit que ce qu'il dit là, ça ne concerne pas seulement ceux-ci, mais pour tous ceux-là à qui ils vont parler de moi, ils vont croire. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dis? Tous les gens qui l'ont croit, les gens, les juifs qui l'ont croit. Parce que tu as dit la Bible, tu m'as montré un verset dans le Coran, tu as dit que les gens, Dieu va faire Jésus au-dessus de ceux qui le. Ok. Est-ce qu'il les juifs? Non, il n'y a pas des juifs. On dit toujours. Il n'y a pas des juifs. L'explication là-bas, c'est les juifs. Est-ce que tous ceux qui ont cru en Jésus étaient des juifs? Il y a des juifs. Il y a des arabes parmi. Mais on a parlé des juifs actuellement, là, parce que la Bible parle des juifs et des chrétiens. N'est-ce pas? Ça. La Bible parle. C'est le Coran qui parle de juifs. Justement, là, parce que le Coran confond les gens de toutes les autres races par rapport aux chrétiens. Tout en étant monté après les accords où à Jérusalem, il y avait plusieurs peuples arabes, gens de Rome. Les gens de Rome n'ont rien à voir avec les juifs, justement, avec les chrétiens. Mm-hmm. Tout cela, on a vu tout à l'heure, quand Christ a prêché, 3000 personnes ont cru. Donc il y avait et les juifs dedans, et les romains, et les arabes à l'intérieur. Et ce sont les arabes donc, qui sont allés donc, vers la Médine, mm-hmm. vers la Médine où Mohamed était, où Mohamed est issu. Mm-hmm. Ce sont ceux qui ont répandu l'évangile là-bas que Mohamed a écouté. Mm-hmm. Parce que là-bas, ça s'est raconté dans les marchés et autres. Mm-hmm. C'est là où Mohamed a eu les briques de cela, de cette religion-là. Mm-hmm. Donc tu peux me dire que cet évangile-là, c'était uniquement pour les juifs. C'est les juifs parce que lui-même, avant que Jésus ne vienne. Oui. C'est les juifs qui ont la parole. La parole était que Dieu aura un fils, c'est lui qui sauvera son peuple. Quel peuple? Le peuple des juifs. Mm-hmm. Lui-même, quand il est venu, pourquoi envoies-tu ces juifs et ses disciples? Il dit que n'allez pas ici. Mais mm-hmm. Tout simplement, il aurait pu te dire que n'allez pas d'abord ici. Ok, premièrement, mon cher. Il a dit seulement n'allez pas et allez. Ton prénom, c'est quoi? Chaque fois, il veut parler. Ton prénom, c'est quoi? Mm-hmm. Ton prénom. Moi, je veux savoir. Hein, mm-hmm. Le poème. Il dit ton prénom, c'est chaque fois, il veut t'appeler. Ah, Oumar. Ok, il dit encore, mon cher Oumar. Mm-hmm. C'est pour ça que Dieu dit au début, il faut lire la Bible. Jésus a envoyé les disciples deux fois. Mm-hmm. Premièrement, il les a envoyés, il a dit que allez vers les brebis égarées des enfants d'Israël. Mm-hmm. N'est-ce pas? Une autre mission maintenant. Mm-hmm. Il leur dit ceci. Mm-hmm. Je vous envoie dans le monde entier. Il y a deux missions qu'il a envoyées. Mm-hmm. Donc quand tu lis, voilà pourquoi il vous dit qu'il faut que tu lis. Voilà pourquoi il dit que quand il dit que les gens vous envoient dans le monde entier, allez chercher le qui dans le monde entier. Ce sont les juifs. Mais justement, c'est destiné à les juifs. Allez chercher les juifs qui sont dans le monde entier. Il n'a pas dit ça. Il a dit. Les juifs qui sont dans la diaspora. Non. Voilà pourquoi il a dit. Il a dit et les nations. Il a dit Israël et les nations. Et les partout. Il n'a pas dit Israël dans les nations. Il a dit que et Israël et les nations. Et les nations est différente d'Israël. Oui, partout où se trouvent les juifs. Non, allez seulement les trouver. Il n'a pas dit que les Israël et les juifs qui sont dans les nations. Mm. Il a dit que allez partout le monde. Mm. La première lettre à Jérusalem, même. Mm. Si on utilise Actes des Apôtres, il y avait un homme là-bas qui était italien, à qui l'ange est venu lui parler. Dieu a envoyé Pierre là-bas. Moi je sais une chose que quand Dieu fait sa promesse, il ne change pas. Si Dieu change la promesse, ça veut dire que Dieu a fait. La promesse, Dieu n'a jamais changé sa parole. Ok, la promesse de Jésus, il a dit que je t'envoie dans un peuple. Qui? C'est là-bas ce que la Bible dit. Dans son peuple, la promesse. Il t'envoie dans un peuple. Il a dit, toi, Bethlehem, tu ne serais pas moins de. Et toi, sortiras un chef qui pètera Israël, ton peuple. Qui pètera? Mm-hmm. Qui pètera Israël, ton peuple? Et il va revenir. Il aurait pu te dire qui pètera tout le monde entier. Ok, pose la question. Pourquoi changer? Pose la question. Attends, pose la question. Est-ce que Jésus-Christ, parce que les disciples ont posé la question, est-ce en ce moment-ci où tu vas restaurer le royaume d'Israël? Ça se pose que quand il est venu comme ça, il n'a pas restauré le royaume d'Israël. On est d'accord? Il dit, n'est-ce pas? Quand, tout à l'heure, quand on a vu là, quand Jésus devait partir, il a dit que, mais vous, c'est pas vous de connaître l'État, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Les disciples ont posé la question que Seigneur, est-ce en ces temps que tu vas restaurer le royaume d'Israël ou tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, c'est pas à vous de prendre les temps et les moments où le Père a cessé sa propre autorité. Ce qu'il a dit, c'est que quoi? Sa première mission, ce n'était pas pour perdre Israël. Voilà ce qu'il faut comprendre. Jésus-Christ a double identité dans sa mission. Mm-hmm. Premièrement, il faut que sa nation, parce qu'il faut qu'il sorte là-bas, il dit, le salut vient des Juifs. Il sort de là pour que sa loi puisse être établie partout. Donc ce qu'il a dit, c'est que Jésus a double mission d'abord. Il faut qu'on soit face à cette base-là. Étant venu chez la dernière nation, il va encore revenir, comme vous en êtes d'attendre là. Les juifs, pourtant, les juifs qui sont là maintenant ne connaissent pas Jésus qu'on a dit prêcher, les chrétiens prêchent. Donc ils attendent leur message. Donc maintenant, tu veux me dire que tous les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu ne sont pas des chrétiens. Tous les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Parce que la Bible a dit ne sont pas des chrétiens. La Bible dit que quiconque nie que le Christ n'est pas le Fils, il n'a pas non plus le Père. Non, j'ai dit Dieu. Uh-huh. Le Fils, on est d'accord. Oui. Il est le Fils. Mm-hmm. J'ai dit les gens qui disent qu'il n'est pas Dieu. Oui. Ils ne sont pas des chrétiens. Si un chrétien dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que regarde, attends, si un chrétien qui est fils, Mais c'est un chrétien. Je dis à un chrétien. Oui. Il y a les chrétiens qui croient que Jésus n'est pas le Dieu, le Créateur, mais il est juste simplement le Fils. Le Fils. Mais il y a les chrétiens qui croient que Jésus est à toute fois le Créateur. Oui. C'est lui le Dieu, tout, tout. Donc, bon, maintenant, je dis à ceux qui ne croient pas qu'il est le Créateur, là, ne sont pas. Ne sont chrétiens. Ils sont pas les ils chrétiens. Ils sont chrétiens. Hein? Ils sont chrétiens parce qu'ils sont. Pourquoi alors il y a de c'est exactement comme chez les musulmans, il y a les sunnites et les chiites. Mais non, écoute, les chiites et les sunnites, on est toujours d'accord à l'ensemble. Ah. Le prophète et les prophètes. Attends, il pose une question. Il pose une question. Les chiites prient les saints. Vous priez les saints? Jamais. Ah, maintenant, pourquoi vous ne croyez pas aux saints? Aux saints? Oui, les saints, c'est les saints. Non, pas les saints, les anciens prophètes. Les chiites ont des endroits de les anciens prophètes Ali. Lui même la tête d'Ali n'est pas le prophète. Lui même il a dit que après lui il y aura il y a peut-être 70 ou 77 l'islam qui va diviser, mais il y a un seul vrai islam. Mais maintenant c'est lui qui a maintenant, dit. Maintenant l'islam vrai c'est lui qui a dit. C'est Jean qui est toujours avec le prophète. Mais d'accord. Ali dit qu'il avait le prophète. Hein? Othman dit qu'il avait le prophète. Ousmane dit qu'il avait le prophète. Non, les gens là ne sont pas avec le prophète. Ils ne font pas l'œuvre de prophète. Qui? Parce que oui les chiites. Les chiites qui font le truc là, c'est pas. Ah, mais là, tu as vu ça dans le Coran? Dans le Coran, il n'y a pas d'amour. Le Coran, il y en a. Voilà. Dans le Coran, moi, je n'ai jamais vu là, le Coran. Tu as vu le Coran chi. Mais c'est quand même curieux ça. Quand tu vas venir, je vais te montrer le Coran chi. En tout cas, ça m'a dit. Parce que, n'est-ce pas? Ok, attends, une bonne question. Tu vas me dire si tu connais le nom aussi. Allah. Tu connais, tu as entendu parler Allah, Ouza et Almanac? Dans le Coran. Oui. Non. Si tu ne connais pas les je vais te montrer ça le Coran. Non, je n'ai pas. En tout cas, vous ne dites que, n'est-ce pas? Allah. Almanac et Ouza, tu connais les trois là dont on parle? Non, je ne connais pas. Ok, donc on va voir de qui il est question. Pour que tu vois clairement que dans le Coran également le chiite et le Coran c'est. Je vais donner juste un petit exemple avant de partir. Ah. Parce que lorsque Jésus dit que je suis chemin, vérité et venu ne pas au Père, ça ne se pas. Il y a deux personnes. Mmh. Lorsque dans Jean 14, verset 1, il dit que croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mmh. Deux personnes distinctes. Mmh. Pourquoi dit-il soit croyez en Dieu, croyez en moi? Il aurait dit croyez en moi et sur Dieu. Mmh. Mais croyez en Dieu, croyez en moi. Mmh. Ok. Lorsque Jésus dit que moi et mon Père nous sommes un, c'est dans l'unité, c'est pas dans l'unité. Mmh. Ok. Un, c'est l'unité, L'unité dans l'unité. L'ensemble de ça. Moi et toi. En dehors de Jésus, a parlé comme ça. Non, j'ai dit que moi et mon Père nous sommes un. Parce que là, ça, c'est juste à parler. Ça, c'est juste à parler, non? Justement. Ah, il dit que, n'est-ce pas? Est-ce que toi, pourquoi que ce que Jésus dit, forcément, il faut que la même personne. Jésus, il a aussi répété la même chose que Moïse. Il veut dire ceci, n'est-ce pas? Parce qu'on le pose toujours des questions, il veut voir, il dit que non, moi et mon Père, nous sommes. Ok, c'est que il dit que non, montre-nous à leur Père, il dit que non, si vous voyez, ça va. Parce que c'est des questions pièges qu'on le pose. Regarde, il leur répond. Je suis d'accord. Mais il veut que, à moins que tu n'as pas fait ce constat, tu n'as pas constaté que le langage de Jésus, ce qu'il réclame est totalement différent de tout autre prophète. Justement. Pourquoi? Justement. Pourquoi? Parce que c'est à lui seul qu'on a posé ce genre de questions. Comment Jésus est la vie? Là-bas encore, c'est autre chose. Oh, okay. Parlons, j'ai dit, n'est-ce pas? Je vais donner un exemple de moi et mon Père, nous sommes un. Okay. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux attachera, deviendront une seule chair. Est-ce que toi, avec ta propre femme qui est là, vous avez une chair? C'est deux personnes. C'est deux personnes différentes, oui. Exactement, Dieu et ses deux personnes. Donc, viens alors, il te parle. Non, mais ça me dit, regarde. À quel alors? Ça me dit, ça serait, ça devait être le matin pour que. On est du temps. Même 7 heures, 8 heures du temps. Mais tu le courant en arabe, non? Oui, en arabe. Donc, si tu peux appeler en arabe, comme ça, c'est. Hein? En arabe, mais un côté en français, côté, oui. Donc, je préfère qu'en venant, tu viens avec ça, comme ça, que c'est dit un surat, tu vérifies que c'est ça qui est écrit. Exactement. Mais si je viens de dire. Oui, exactement. Là,